Mais moi, je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais, son avenir, c'est le métissage. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Bienvenue, chers amis, sur Démocratie participative, épisode numéro 27 de notre première saison, épisode spécial Noël. Nous sommes en partenariat avec The Right Stuff, TRS, donc la plateforme radiophonique de l'alt-right américaine. Vous pouvez consulter les émissions en anglais, si vous êtes anglophone, ainsi que la nôtre, sur la plateforme therightstuff.biz. Je rappelle notre adresse email, democratieparticipative@mail.ru. Il n'y a pas d'accent sur démocratie, et démocratie participative est en un seul mot, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Suivez-nous sur YouTube, abonnez-vous à notre émission. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à vous abonner, c'est très bien. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à nous écouter. Vous pouvez nous suivre également sur Facebook, vous recevez les alertes, et sur SoundCloud. On a une progression sympa sur SoundCloud aussi. Donc une plateforme exclusivement audio. Et vous pouvez télécharger d'ailleurs l'émission MP3 et donc l'uploader sur votre smartphone. Et donc vous écoutez notre émission dans les transports en commun. Je sais que, et j'ai pensé à vous, on a pensé à vous la semaine dernière, je sais que vous êtes un certain nombre à être dans les transports en commun franciliens, voilà, dans la proximité odorante et urticante de nos amis de la diversité. Alors présentation immédiatement de nos participants de cette semaine, Frédéric Danlévier. Alors lui, en direct de Hongrie, plus que jamais sous protéines, comment ça va Fred ? Ça va. Donc dans l'évier comme d'habitude, donc très frais, très Hollywood chewing gum. Cette semaine, je me pose des questions sur la répartition énergétique. Hein. Il va falloir remodeler le modèle énergétique de la France, distribuer plus d'énergie, parce que la seule façon de sauver la France, je crois que c'est clair, c'est de distribuer plus d'énergie aux nègres et aux métèques en général. Hein. C'est seulement comme ça qu'on arrivera à la paix. Donc je me questionne, je philosophe, comme d'habitude, je fais ce que je peux pour faire avancer le monde, et voilà, je suis avec vous, bonsoir. Le front de libération de l'énergie. Exactement. C'est bien, c'est bien. Poporovic, salut Poporovic, on est content de t'avoir. Shalom alaikum à tous, bonne fête de fin d'année de la solidarité citoyenne, hein, n'est-ce pas, puisque nous sommes dans un pays laïque. Voilà. Ah oui, c'est vrai. On a maintenant aboli. Enfin, on prend un petit peu de temps. Je pense qu'on peut se le permettre. On prend un peu de temps pour avoir de l'avance. Donc, nous sommes en l'an 2024. La France républicaine a aboli les fêtes de la Nativité et de Noël pour les remplacer par une fête solidaire, métissée et citoyenne. Voilà. On vous brief à l'avance. Hein. Astérix, salut Asté. La pêche. Ça turbine, eh ben, ça gaze. Toujours la pêche en ces périodes de fête. On profite des derniers Noëls que ce joyeux système nous accorde pour célébrer notre petit Jésus. Et salut Fulbert, ouais. En direct en direct de la chambre à gaz qu'il construit petit à petit. Hein. Bah, la question à 40 millions de dollars, c'est de savoir qui va mettre dedans. La suite au prochain épisode. Fulbert. Eh ben, tout va bien. Oui, la chambre à gaz avance. Merci. Quant à qui mettre dedans, ben, j'attends vos propositions. Bonsoir à tous. Quant à qui mettre dedans, là, on a plein d'idées. Il n'y a pas de problème. On a des listes. Il n'y a pas de souci. D'accord. Pas des multiculturelles. Des antidémocrates. Voilà, on va mettre des antidémocrates. Alors, chers amis, on a eu une semaine chargée, lourde, imposante, riche. Les qualificatifs me manquent. Ceci étant dit, avant de commencer par notre... Parce qu'en fait, on affine au fur et à mesure de nos émissions. Avant de commencer par notre rubrique Autisme Radical, je veux commencer par une première rubrique, qui est celle des commentaires de la semaine. En tout cas, un commentaire de la semaine qui retient l'attention. Et on a reçu ce commentaire dans une discussion, je le cite tel quel, hein. Je confirme pour Villeneuve-Saint-Georges. Je traverse ce territoire occupé tous les jours. Il semblerait que tous les boucaques composant le fond des chiottes de l'humanité se soient donné rendez-vous dans cette pauvre ville. Alors je ne sais pas s'il y a des gens d'Île-de-France dans le secteur, mais visiblement, Villeneuve-Saint-Georges, c'est vraiment le trou à rats intergalactique. C'est vraiment le trou de chiottes de l'IDF, c'est ce qui se fait de pire. Quelqu'un, non ? Quelqu'un connaît un petit peu ? Ben écoute, moi je connais bien l'Île-de-France, des trous de chiottes, il y en a beaucoup. Hein. Si tu veux chier en Île-de-France, t'as pas à chercher très longtemps, tu baisses le pantalon et tu lâches ta crotte parce que c'est un chiottard géant. En dehors de deux trois banlieues riches, de toute façon tu descends, c'est le ghetto à peu près partout. Quoi. En gros, t'as Fontainebleau, Versailles, Neuilly, tu vas avoir 3-4 villes qui vont y réchapper, et toutes les autres sont noyées complètement par l'invasion migratoire. Donc Villeneuve-Saint-Georges, c'est particulièrement dégueulasse par rapport aux autres communes ? Bah, Villeneuve-Saint-Georges, je la connais que de réputation, donc oui, ça a l'air tout aussi dégueulasse que tout un tas de communes, mais de là à dire que c'est la pire, c'est vraiment... C'est à vivre, hein, l'Île-de-France, c'est un voyage... Bah d'ailleurs, c'est tu fais le tour du monde, quoi. Enfin, bah, tu fais le tour du terme, tu fais pas le tour du beau monde. Hein, c'est peut-être un terreau fertile pour la réconciliation, remarque, hein, ça peut servir. Ah bon ? Surtout qu'il y a une grande guerre de triage. Ah bon ? La réconciliation, elle s'opère de l'autre côté du périph'. La réconciliation, elle s'opère dans les carrés VIP, autour de quelques lignes de coke. Là, tu retrouves les dealers, les grossistes et les rappeurs de banlieue et les footballeurs de banlieue. Tu retrouves les chanteurs juifs et les chanteurs goy de Paris Intramuros, et tu les retrouves tous là dans les lunch bars. Donc t'as de la réconciliation, mais c'est à 3000 euros la soirée et c'est autour de pute et de coke, quoi. Ah oui, d'accord. Bon bah écoutez, en tout cas, ce commentaire, on a des petits blancs qui se tapent du rhum, du nègre, enfin toute une variété. Enfin c'est c'est un panaché de toutes les ethnies, de toutes les tribus d'Afrique qui se coagulent ou s'affalent dans les rames voilà du RERD. Et on a des amis de souffrance voilà qui nous écoutent et on leur redonne du baume au cœur. On leur dit tenez bon les gars. Vous n'êtes pas les seuls à rien à résister face à ce torrent de chiasse, face à toutes ces peaux de merde noire. On pense à vous, on est là. Voilà. D'autant plus que Fulbert nous fait remarquer qu'il y a une grande gare de triage. Ça peut peut-être servir pour la logistique dans un futur plus ou moins proche. Très proche, je le souhaite. Et je précise en plus qu'il y a quelque chose comme 75 ans, les Américains qui avaient pris action contre cette guerre de triage avaient copieusement bombardé Villeneuve-Saint-Georges. On pourrait éventuellement leur redemander le même service le moment venu, je ne croyais pas. Ah, et puis là, ça serait accueilli avec joie. Hein. Là, je crois qu'on serait tous pour, là, pour le coup. Enfin, mon avis. Hein, c'est une... Oui, je pense que... Oui. Rubrique numéro 2, la rubrique phare de notre émission, j'ose le croire, autisme radical, chers amis. Alors là, elle est copieuse, hein, elle est copieuse, je ne vous le cache pas. Préparez-vous, ça va tâcher. Sujet numéro 1, évidemment, autour de l'attentat de Berlin. Alors, c'est pas sur l'attentat en lui-même, bon, vous êtes bien informés factuellement, c'est pas trop le sujet, c'est plus les réactions qu'on a pu collecter ici ou là, et dont j'ai estimé qu'elles valaient la peine d'être répercutées dans notre émission, et nos amis vont pouvoir en discuter librement. Premier point, c'est François Hollande, hein, votre président de la République, parce qu'il a disparu de la circulation, mais je vous rappelle qu'il est votre président, le chef de l'État français, qui s'est exprimé donc sur Twitter, où il a exprimé, je le cite, sa solidarité au peuple allemand après qu'un camion a provoqué de nombreuses victimes à Berlin. Quelqu'un veut réagir là-dessus ? Bah, les camions, c'est quand même dangereux. C'est-à-dire qu'un camion comme ça, si on fait pas attention, effectivement, ça peut provoquer de nombreuses victimes. Donc moi, je pense qu'il est temps qu'on prenne les choses en main. hein, qu'on crée un petit peu des régulations pour savoir un petit peu ce qui se passe avec les camions, parce que c'est n'importe quoi, on ne peut pas les laisser déambuler comme ça dans les rues, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Oh là là, est-ce que tu ne serais pas en train de stigmatiser les camions, des camions? Ah bah ouais, je prends les dispositions qu'il faut, hein, y a pas de problème. Hidalgo a peut-être une solution là-dessus, c'est-à-dire qu'en passant au tout piéton, il n'y aura plus jamais d'attaque au camion. Enfin, moi, je vous conseille quand même de vous en prendre aux Français de souche avant de vous en prendre au camion, parce que malgré tout, le camion reste au-dessus dans la hiérarchie gauchiasse. Bah, c'est-à-dire que si les camions s'énervent et pètent des plombs comme ça, c'est peut-être aussi à cause du racisme des populations européennes, quoi, je veux dire. Ouais, c'est pas faux. Ouais, bah, et puis, qui a inventé les camions? C'est les Ariens. On en revient toujours au même, hein. Ah, et puis Mercedes, enfin c'était un camion Mercedes, je sais même pas ce que c'était comme marque, j'ai l'impression que c'était un Merco le truc. Enfin c'était un truc de fasciste, hein. En tout cas on s'en fout, donc voilà, le fascisme, une nouvelle fois, responsable de ce drame. Alors, point numéro 2, donc après donc, cette réaction de François Hollande, qui restera bien évidemment dans les annales, pas de mauvais jeu de mots, hein. Point numéro 2, la plupart des attentats en France viennent des Français de souche. Je cite Michel Pouzol, qu'on va écouter tout de suite là, on va l'écouter s'exprimer, c'était à la télévision française, et on y revient tout de suite. Michel Pouzol, est-ce que Angela Merkel a fait entrer le loup dans la bergerie? Écoutez, si on prend l'exemple français, pour ne parler que de ce qui nous a frappé nous, la plupart des actes terroristes que nous avons dû affronter ne venaient pas de la part de migrants, mais bien de Français, je dirais, de souche, parce que des Français de nationalité, parfois depuis 2-3 générations. Donc on voit bien que la corrélation entre les deux est un raccourci qui est complètement scandaleux et qui est extrêmement abusif, mais qui est utilisé notamment par l'extrême droite, on le sait bien. Voilà, alors chers amis, donc la plupart des attentats en France viennent des Français de souche, et il voulait dire en fait que comme tu étais un bougnoul né peut-être en 70, peut-être en 68, peut-être à ce moment-là, t'es un Français de souche, donc bah, c'est un Français comme vous et moi. Et vous êtes, à ce titre, tous solidaires de la crapulerie. Ça vous inspire quoi, ça, ce nouveau concept de Français de souche? Visiblement, Français de souche, ça marche que quand il y a des meurtres, hein. Je sais pas pourquoi. Quelqu'un, Frédéric Dans-Lévier? Tiens, j'ai envie de t'écouter là-dessus. Là. Bon, bah, moi, je pense que ça fait longtemps qu'on a compris que un cochon... Alors, je précise, c'est que le monsieur qui s'appelle Pouzol est un très proche de Manuel Valls, c'est un soutien de Manuel Valls. Voilà, c'est pour donner le ton, quoi. Oui, non, mais bah, je sais pas si quel est son pédigré racial, lui, j'ai pas fait la recherche là sur Pouzol, mais bon, on a compris depuis un petit moment qu'un cochon qui naissait dans une étable était capable de faire des courses de chevaux, donc effectivement, des bougnoules qui seraient nés en France, je ne sais quand, français de souche, pourquoi pas, enfin, tout est possible, quoi, il n'y a pas de problème. Quelqu'un d'autre? Pouzol, c'est un nom du sud, a priori, on dirait un... Les noms qui se finissent par OL, c'est des noms de goy du Sud, quoi, de Français de souche du Sud, normalement. Donc c'est juste un abruti, quoi. Juste un enculé. Bah, en fait, comment... Ouais, alors déjà, on sait jamais, parce qu'on n'est pas généalogiste, et en tout cas, on n'a pas son pédigré génétique, donc on sait jamais si, tu vois, si maman a pas télescopé quelque part un bico, tu vois, on sait jamais, tu vois, donc faut se méfier des patronymes. Mais ceci étant dit, la façon dont recours le Parti Socialiste à l'expression français de souche est systématiquement péjorative. Rappelez-vous, quand François Hollande s'était déplacé en urgence, là, suite à une profanation de tombes juives en Alsace, ou en Lorraine, je crois que c'était en Alsace pour le coup, il avait expressément utilisé l'expression français de souche. Il avait dit, oui, des Français de souche, comme on dit, qui avait fait le coup, qui avait... voilà. Donc en fait... Quand quelque chose se passe et qui peut être utile à la diabolisation, on recourt à l'expression français de souche dans les médias gauchistes ou au Parti Socialiste, enfin, même chez les hiérarques, hein, parce que François Hollande n'est pas du tout un second couteau, enfin, évidemment, c'est le chef de l'État. Là, ça va, là, ça passe. Par contre, les mêmes disent « Non, on peut pas utiliser l'expression français de souche, c'est scandaleux, comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. » Même Guénot, je crois que c'est Henri Guénot, vous corrigerez. Henri Guénot, qui lui est chez les Républicains autour de Sarkozy, là, qui joue le droit tard à la petite semaine et qui lui-même est un métèque à la gueule louche, avait dit c'est scandaleux, comment utiliser cette expression, voilà. Bon, moi je trie, enfin moi je dis, c'est intéressant de relever le langage utilisé, le champ lexical, et dans quelles conditions. Voilà, donc je me suis dit. Pour élaborer un peu peut-être sur Michel, oui, je disais Attends, pour tu peux élaborer entendre? sur Pouzzol, c'est quand même un triple gras, un triple menton, on dirait, hein, c'est-à-dire c'est quand même un gros gros lourd. Et sur sa carrière, disons, politique, il faut savoir qu'il n'est pas seulement politicien, alors il est au Parti Socialiste, mais je viens d'apprendre là qu'il était, il avait été, donc en 1995, scénariste et réalisateur d'un long métrage qui s'appelle Barbès la nuit. Donc je pense qu'il voilà, il y a une certaine passion du bougnoule, hein, une certaine passion du métèque. Donc oui, c'est sûr que je pense qu'il a, il a pas envie d'accuser son public préféré. Mais sinon, bon, ce qui est intéressant à retenir, mais c'est pas la première fois, ils le font sans arrêt, c'est qu'ils font du racialisme à géométrie variable, c'est-à-dire que en fait, quand il s'agit de faire de la distinction entre les peuples pour des raisons saines, comme on le voudrait nous, là, ils hurlent à l'ethnodifférentialisme, au racialisme, machin, qui mène au racisme, qui mène au suprémacisme, qui mène au fascisme-nazisme. Mais lorsqu'il s'agit de diaboliser leur cible, bah là, ils n'hésitent pas à faire du racialisme. Donc, ils sont sans arrêt dans l'incohérence. Ça donne, ils nourrissent finalement notre argumentaire qui va les clouer au poteau. Parce que là, on voit quand même que nos idées ont le vent en poupe, alors que les leurs sont en train de crever doucement. Donc, c'est ces mecs-là qui croient encore que le peuple français est complètement demeuré. Bon, il reste hein, des résidus de demeurés, enfin, c'est même plus que résiduel, il y a encore une bonne masse d'abrutis. Mais ce racialisme à géométrie variable, là, il est cramé maintenant, il est grillé. On a grillé que vous faisiez du racialisme, que vous validiez le racialisme quand ça vous intéressait. Donc arrêtez de nous faire chier avec ça. Tout le monde a établi une différence entre les ethnies, les cultures, les peuples, et vous aussi, vous l'avez établi. Simplement, vous le sortez que quand ça vous intéresse. Et on vous a cramé. Je vais encore rajouter sur Puzzle, là, ou Pouzzol, hein, donc parce que voilà, je me renseigne hein, en direct. Donc, son film, là, Barbès la nuit, pour vous donner un petit peu voilà, l'environnement mental dans lequel cette personne évolue, ça raconte l'histoire d'un couple qui se sépare, donc avec donc l'homme s'appelle Marc, qui est un jeune militant raciste et misogyne ordinaire, qui finit à travers une série d'incidents par attaquer son meilleur ami voilà, à la suite d'une soirée, quoi. Donc voilà, jeune Son militant. meilleur ami s'appelle Abdel Mohamed. Oui, c'est-à-dire qu'en 95, il était déjà vraiment à fond dans le caca quand même, hein, il faut le souligner. Tu sais, mais j'aime bien le truc. Oui, c'est quoi le truc ordinaire? C'est le raciste, quoi? Qu'est-ce que Oui, c'est? raciste, misogyne. Bon, j'imagine que Marc, c'est pas un nègre, hein. Donc, il était déjà dans le méchant blanc raciste et misogyne en 95, quoi. Il avait quand même Cela dit. quelques longueurs d'avance dans la chiasse, hein. Cela dit, il y avait plus de raisons de l'être à l'époque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore plus scandaleux. Moi, d'ailleurs, on le voit, hein, les jeunes, là, ils adhèrent plus du tout à ce mythe du multiculturalisme. C'est la séparation, totale chez les moins de 25 ans, là. Donc là, ce serait vraiment honteux si un jeune de 25 balais, il vient de sortir un couplet antiraciste, il mérite juste un aller-retour, quoi. Mais par contre, enfin, un aller-retour, au moins argumentatif, argumentaire, quoi. J'avais cru au Maroc, moi. Comment? Non, j'avais cru un aller-retour. Maman, aller simple, en fait. Ah Non, ouais, vas-y, un aller continue. simple, ouais, Mais sinon. je rêve à voix éveillée. Vas-y, Mais je t'en prie. ouais, c'est en 95, il y avait encore beaucoup de gens bien qui y croyaient, quoi. Bon, ça a commencé à se tasser avec les années 2000, et puis là, maintenant, il n'y a plus que des enculés qui y croient, quoi. Maintenant, il n'y a plus que les tarés, si vous regardez bien, il n'y a plus que les suicidaires, en fait, qui savent qu'ils doivent leur place, ils doivent leur position sociale que à ce logiciel dysgénique, quoi. Que à l'inversion de tout. Donc, ils se battront jusqu'au bout. jusqu'à la mort pour le conserver, parce qu'ils savent très bien que de toute façon, changer de système correspond à leur mort. Elle correspond à leur mort sociale et sûrement même à leur mort physique, parce que souvent ils sont tarés, quoi, tarés physiquement, quoi. Donc eux, ils surfent là-dessus et ils savent que c'est la fin, ils s'accrochent comme des hyènes à ce truc-là, quoi, parce que... Bon, d'ailleurs, pour aller encore plus loin avec Contre-culture, donc le film en question dont je parlais là a été produit, financé par un certain Eric Atlan. Alors, je ne sais pas hein, ce qu'on peut déduire du nom Atlan, mais je... voilà. Bah, y a une chance sur deux que ce soit un Turc, et une chance sur deux que ce soit un Juif. Oui, voilà, c'est quand même assez prononcé. Enfin bon, bref. On verra bien, mais bon, à creuser quoi. Mais bon, voilà, on a spéléologie, la séquence spéléologie sociale. Oui, voilà. Dans la chiasse. On creuse dans le caca et bon, bah, on trouve. Dans les égouts de Paris, on a trouvé Poujol, quoi. Hein. Ou Poujol, je sais même pas son nom, c'est un truc aussi à coucher dehors, ça. Alors, point numéro 3, chers amis. Je cite, alors là, une intervention d'un spécialiste sur France 2. L'attentat de Berlin s'explique par une grande frustration des migrants face à ce qui se passe en Syrie. Et c'est un certain Mathieu Guider qui s'exprime. Alors ça, c'est le nom officiel. Parce qu'il faut creuser dans cette affaire. Son vrai nom, c'est Moïse, ou Moïse, je sais pas, Guider. Il est le précepteur du propre fils du souverain qatari Hamad Ben Khalifa Al-Thani à l'école de Saint-Cyr. Donc rien que ça, quoi. Je vous passe hein, sa biographie. Mais donc ce type est intervenu sur France 2. Mais tranquillement, hein, il arrive. Enfin, il a une gueule de métèque, vous voyez, mais il a son costard à la con. Il a les cheveux rasés et puis il a des lunettes. Et il intervient et il dit, en fait, bah, comme j'ai dit, quoi. Il a dit, ben ouais, mais en fait, les migrants, ils en chient. L'Allemagne s'est fermée. Alors, ah bon? Moi, je découvrais, je regarde la vidéo. Ah bon? L'Allemagne s'est fermée, j'avais pas vu, tu vois. Et il dit, oui, mais alors la situation. Et puis, alors, surtout Alep, là. Oh non, mais c'est insupportable, les mecs se révoltent et tout. Alors, toi, t'es là, quand t'es un. Ben. Le bon français, tu vois, qui est pas briefé ni rien, il allume sa télé, tu vois, il y a un connard à lunettes, il est là, bon, c'est vrai qu'il est, il est gris, hein, il est gris. Mais le mec, il s'exprime et tout, oui, alors voilà, la colère, le machin, truc. Sauf que tu sais juste pas que le type est un putain de tapin du Qatar. C'est magnifique, ça, je trouve ça magnifique. France 2, en France, voilà, France 2, tout se passe bien, quoi. C'est un spécialiste des études du monde islamique et du Moyen-Orient à Saint-Cyr. Donc effectivement, il est assez marqué. Et si vous regardez bon, ce qu'il a publié, etc., ce Mathieu Guider alias Moïse Goué, je sais pas quoi, là. Bon, hein, on comprend. Non, mais c'est bien les alias. Ah oui, non, mais on comprend assez rapidement pour qui il roule, hein, il n'y a pas de problème. Mais c'est hallucinant, c'est-à-dire que le mec s'appelle Mathieu Guider. Alors qu'en fait, c'est un Tunisien, je le précise, c'est un Tunisien, membre des Frères musulmans, financé par le Qatar, proche de la famille du Qatar, qui est d'ailleurs un apologète d'ENADA, le parti des Frères musulmans en Tunisie, qui vous explique à la télévision en France, à la population française, sur France 2, service public, attention, tout ce qui est de plus autorisé, quoi, hein, que l'attentat à Berlin contre le marché de Noël et des civils, qu'en fait, c'est dû au comportement de l'Allemagne face à la situation en Syrie, parce que de deux choses. Premièrement, ils ont fermé les frontières, ah bon? Et deuxièmement, ils ne réagissent pas face à la ratonnade généralisée contre les djihadistes à Alep. Donc en fait, là, on voit bien le logiciel qui se met en place et qui nous attend, très objectivement, parce qu'il faut lire dans le marc de café, c'est-à-dire, il faut interpréter, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, on vous massacre. C'est ça que ça veut dire. C'est ça quand tu traduis le baratin du Métèque, là. Tu fais pas ce qu'on te dit, on te massacre. Signé le Qatar. C'est étonnant que les gens aient pas plus peur. Tu sais, en France, il y a ce truc de bon, qui doit venir un peu de. On en avait parlé il y a 2 semaines de Soral et de son association qui ont beaucoup fait parler d'elle, mais il y a ce truc à minimiser l'influence qu'ont les Qataris, les Saoudiens, en les mettant sans arrêt sous la houlette des Américains et d'Israël, parce que effectivement, c'est les Américains et Israël qui ont les armes. Mais par le pouvoir, par la corruptibilité, par le pouvoir de l'argent, des pays aussi riches, qui en plus ont des armées de macaques ultra-violents à leur service, C'est vraiment dangereux parce que c'est une espèce de double mâchoire, mâchoire inférieure, mâchoire supérieure, tu vois. D'abord, ils essayent de te corrompre, et puis si tu n'acceptes pas l'argent, après, il y a les coups, coups, coups, comme dirait le cyclope des Carpates, là. Donc, les types peuvent tout faire, quoi. Ils peuvent vraiment menacer les élites en haut lieu. Ils disent, voilà, nous, on vous paye, si vous acceptez pas le pognon, c'est un peu le principe de la mafia, quoi. Une offre qu'on peut pas refuser, c'est tu acceptes soit le pognon, c'est plata o plomo, comme disait Pablo Escobar, quoi. Tu acceptes l'argent, si tu n'acceptes pas l'argent, on t'envoie nos macaques à 70 de QI qu'on sous captalgon qui sont prêts à égorger toi, les tiens et à manger vos organes. Ouais, c'est très bien résumé, c'est exactement ça. Et évidemment, il n'y a pas toute cette analyse qui est faite, puisque bon, ils interviennent sur France 2, donc c'est vous dire que les analyses, vous ne les aurez pas sur France 2. Très bien résumé, Astérix. Bah, c'est un peu le côté musulman du quotidien, tu vois, qui est dans un rapport, dans un rapport sain et apaisé avec le pays d'accueil. Voilà, donc toujours. Et ça, de toute façon, on en fait état là pour quelqu'un qui est plus ou moins ouvertement lié avec les frères musulmans, avec le Qatar, etc. Mais. C'est une mentalité qu'on retrouve chez à peu près tous les bougnoules de France, hein, surtout dans les jeunes générations. C'est-à-dire que c'est tout le temps ça. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la pleurniche, mais derrière la pleurniche, il y a la menace. C'est-à-dire si vous ne faites pas ce qu'on vous demande, bah, il va arriver, vous allez vous faire égorger, vous allez vous faire massacrer, etc., etc. Donc c'est pas, moi, je veux juste insister là-dessus. C'est-à-dire c'est pas du tout un truc exceptionnel ou qui se confine à quelques personnes plus ou moins haut placées avec de l'influence, etc. C'est vraiment même un discours qu'on retrouve au niveau de la rue, hein. C'est tout à fait ça. Hein. C'est pas seulement la rue, c'est le discours officiel, hein. C'est la culture de l'excuse. Que ça soit pour la petite racaille de banlieue qui a planté quelqu'un, bon, on explique qu'il y a une enfance difficile, qu'il est victime du racisme. Et puis bah, pour le terrorisme, c'est parce qu'on fait la guerre chez eux. Et ça, c'est très bien intégré même chez les petits blancs, hein. C'est systématiquement, de toute façon, on trouvera toujours une excuse à la violence des allogènes. C'est vraiment un discours mainstream. Moi, je l'entends partout. C'est bon. Je pense que c'est le meilleur moyen pour se faire tuer. Mais... Ouais, ça, on retrouve même. Non, j'allais dire qu'on retrouve même ça chez les penseurs soi-disant un peu iconoclastes. Tu sais, Michel Onfray, machin, tous les mensuels, là, tous les magazines ont fait la une en mettant ces tronches-là et en mettant le mot facho en dessous. Et pourtant, mais ils sont tous des putains de gauchistes pris dans cette mentalité de l'excuse, là, sans arrêt chercher des excuses, sans arrêt, ne jamais, responsabiliser les gens pour leurs actions. Michel Onfray disait la même chose, là, vous vous rappelez, ce gauchiste ignoble répétait sans arrêt que les attentats, il fallait voir ce qu'on faisait en Syrie, alors que c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que ceux qu'on bombarde en Syrie, c'était Bachar al-Assad et tout ça, et c'est justement, on aidait les mecs qui viennent faire des attentats contre nous. Donc c'est complètement aberrant. De toute façon, c'est la question, si c'est pas ça, ça va être autre chose, ça va être la colonisation, ça va être l'esclavage, ça va... On peut remonter jusqu'à la création du monde. Il y a toujours quelque chose. C'est toujours la faute du blanc. Ouais, t'es blanc, t'as tort. Ouais, ça, c'est vraiment ce qu'on a réussi à enraciner dans la tête des gens. Et un grand bravo aux marxistes, hein, qu'on fait un gros travail là-dessus. De toute façon, on a tort. Ils sont victimes. Point. Ouais, c'est c'était énorme. C'était énorme, d'ailleurs, avec les... Excuse-moi Gandalf, mais avec les gauchistes, c'est vraiment scandaleux ce qu'ils nous sortent sans arrêt, parce que quand on leur parle du vote Front National, bon ici on n'est pas tous fans du Front National, mais quand on parle aux Français souvent, on passe déjà pour un facho en défendant le Front National. Et quand on leur dit « Regardez, l'immigration c'est de la merde », ils vous disent « Ouais mais on attaque les autres pays ». Et là, tu leur réponds, bah ouais, mais le seul parti qui veut pas attaquer les autres pays, c'est justement le Front National. Et là, ils bug, tu vois, ces enculés. C'est-à-dire, ils ont même pas réfléchi trois coups plus loin, tu vois. La démocratie, c'est un scandale quand tu vois des incapables pareils, quoi, qui savent pas penser, quoi. Ils savent pas réfléchir. Alors, on passe au sujet numéro 2 de notre rubrique démocratie participative. C'est un peu plus léger, mais c'est dans la continuité, je vous rassure. Allemagne. Une nouvelle ceinture de chasteté pour répondre à l'explosion des viols par les migrants. Alors là, je me permets de lire l'article que j'ai trouvé d'ailleurs sur un site féminin, un site relatif un petit peu à la mode, à ce genre de choses. Donc c'est authentique, hein. Le site est même disponible en ligne, le site allemand est disponible, vous pouvez regarder même la collection. Alors je cite l'article, hein. On croyait la ceinture de chasteté abandonnée aux oubliettes de l'histoire. Elle refait surface dans l'Allemagne de 2016. Confrontée à une vague de viols et d'agressions sexuelles, la marque Safe Shorts propose plusieurs caleçons de jogging indéchirables dotés d'une alarme de 130 décibels. La créatrice, Sandra Siles, raconte avoir subi une tentative de viol par trois hommes alors qu'elle faisait son jogging l'an passé. Cet incident, ainsi que les 1276 viols et agressions de femmes survenues à Cologne le 31 décembre dernier, aurait décidé cette entrepreneuse de créer une nouvelle ceinture de chasteté. Je vous passe les détails. Ça vaut 150 euros pour le caleçon jogging, donc si vous vous retrouvez dans cette situation, ou bien 99 euros pour le modèle un petit peu, j'allais dire, normal, quoi, hein, sous-vêtement. Alors, bon, on va pas s'éterniser là-dessus, mais quand même, c'est sympa, ça, comment dirais-je. On a en mémoire, à l'automne 2015, en Allemagne, là, les réfugiés welcome, hein, venez. Bon, ben, ils les ont, là, hein, je crois que c'est acté. Non, mais c'est un pas en avant, c'est-à-dire c'est quand même un petit prix à payer pour profiter pleinement de la diversité, du multiculturalisme, etc. Et je pense que, bon, d'abord, là, on a les ceintures de chasteté anti-violent réunion, etc. Bon, après, on aura les murs, les mitraillettes anti-razzia, quoi. Je veux dire, ça progresse, hein. Il faut des étapes, il faut qu'on s'habitue. Je pense qu'on s'achemine vers une société vraiment tranquille et apaisée, où on pourra voilà, profiter pleinement des sorties, des loisirs, etc., en toute tranquillité, à condition évidemment d'avoir amené sa ceinture anti-viol, enfin sa ceinture de chasteté, sa mitraillette dans la rue, etc. etc. Je pense que tout ça va se résoudre sans problème. Ouais, moi je plus sois avec Frédéric, je pense que voilà, c'est beau, on n'arrête pas le progrès, et puis ça va relancer le commerce, tu vois, comme ça, maintenant, si tu sortiras, tu auras ta ceinture de chasteté, ton pare-balles, bon voilà, ce sera des outils du quotidien, hein, ça va relancer le commerce, j'en suis sûr. Bah, il va falloir quand même faire des économies sur le maquillage, hein, pour se payer des trucs un petit peu plus utilitaires quand même. Bah des voiles islamistes, par exemple. Mais moi j'aimerais bien voir qui a eu cette idée de produire des ceintures de chasteté. Je trouve que c'est le frangin, c'est le frangin du mec qui tient l'association Refugees Welcome. T'as, ils font un business en. À mon avis, c'est soit VW et soit Mercedes. Parce que dans le fond, ils n'ont jamais fait que de créer un système anti-viol inspiré du système anti-vol des voitures. Donc c'est encore un crime, à mon avis, de VW. Mais c'est pas faux. Moi, je veux revenir là-dessus. Là. Je veux juste donner mes 3 centimes sur la question. Tous ceux qui nous écoutent adorent le Moyen-Âge, je présume, en tout cas au plan architectural. On aime tous les châteaux. C'est vraiment un élément marquant du patrimoine européen, du patrimoine français, évidemment. Et c'est tellement vrai que quand vous achetez une bouteille de pinard, hein, c'est marqué, en tout cas un Bordeaux, c'est appelé château machin. C'est quoi un château ? Un château, c'est une structure de défense de type militaire. C'est de l'architecture militaire. C'est fait pour défendre les gens. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous regardez tout le paysage européen, en fait, quand vous regardez les châteaux, la carte des châteaux, même les plus petits, vous découvrez en fait que tout le territoire européen, au Moyen-Âge, était en situation de guerre permanente. Ce qu'on a complètement perdu de vue, parce que maintenant on voit les châteaux comme des distractions, des choses très belles à regarder, etc. Il y a toute l'imagerie, etc. Mais qu'est-ce que c'est le château? C'est une structure de défense. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous n'avez pas de frontières extérieures pour vous défendre, les frontières deviennent intérieures, et même se transposent au plan micro. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de défense macro, vous avez un système de défense au plan micro. C'est quoi l'histoire du Moyen-Âge? Bah, c'est l'effondrement de l'Empire romain qui était une énorme structure capable d'avoir des murs de défense extérieurs et une liberté de mouvement intérieure. Et quand l'Empire romain s'est effondré, on est passé à l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de système de défense extérieur, donc il y avait plein de systèmes de défense. tous les systèmes de surveillance comment dirais-je, soit dans les tours d'immeubles, tout ce qui est copropriété, etc. On en arrive même maintenant au plan individuel, vous voyez, avec cette histoire de ceinture de chasteté. Donc les gauchistes, qui sont en train de nous dire, voilà, l'internationalisme, l'abolition des frontières, etc., c'est formidable, la liberté de circulation, oui, très bien, sauf que c'est faire fi de la réalité de la nature humaine et de la réalité des cultures et des races, qui transposent leur propre criminalité et agressivité chez nous, ce qui engendre, par contre-coup, une débauche de mesures sécuritaires. Et c'est là que les gauchistes, en réalité, sont les plus grands alliés de cette industrie, voire même du gouvernement, qui veut toujours plus renforcer sa pression sur la population, c'est qu'en fait, ce sont des cons qui permettent les conditions objectives pour la fuite en avant sécuritaire. Alors qu'avant, quand on était dans une société de confiance, une société relativement ouverte entre gens du même peuple, etc., et pas besoin de tout le cirque qu'on a actuellement. Donc merci, voilà, je voulais rappeler ça, mais on est en train d'assister à ça, c'est-à-dire à la féodalisation de notre société grâce à l'immigration de masse et grâce aux brillants dirigeants qui nous gouvernent. Ah bah en même temps, le retour du Moyen-Âge, ça peut en inspirer certains, il y a des gens qui aiment bien ça. Ah bah du coup, non mais pour le coup, on va peut-être avoir des trucs intéressants qui vont suivre, si, ah oui. C'est dans le, comment dire, dans le style archéo-futuriste, hein, voilà, pour Guillaume Fay, voilà, finira par avoir raison. Hein. Bah il finira par avoir raison, hein. Le truc, c'est qu'il va falloir retrouver un peu de testostérone, parce que moi, on me semble vraiment sous oestrogène, les Européens, pour affronter le Moyen-Âge, là, il va falloir qu'on se les trempe dans l'eau froide, quoi, clairement. Bah déjà, quand tu bois de la flotte du robinet, qui n'est jamais que l'eau des chiottes, où les gonzesses pissent et balancent l'oestrogène dedans, voilà. Oui, puis le soja aussi, beaucoup de soja partout, c'est pas pour rien que les Asiatiques ont une dégaine un petit peu plus ramassée, etc. C'est... Le soja aussi, c'est très néfaste hein, pour les hommes, ouais. En grande quantité. Bon, en gros, à part le soja, il n'y a pas la culture extensive, et ça en bouffe pas vous. Mais en tout cas, les gars, non, ne buvez pas l'eau du robinet. Vous buvez littéralement les hormones des femelles, surtout des femelles de 60 balais, etc. Enfin, figurez-vous le truc. Non, non, vous vous coupez les couilles en direct. Il y a aussi les antidépresseurs qui persistent beaucoup dans l'eau retraitée. Hein. Ah ouais, non, mais t'imagines. Non, non, mais putain, les gars, hey. On coupe tout de suite, hein. Bon, bref, ça c'était en tout cas, réflexion... ouais. Non, ta réflexion est très intéressante. Moi, ça m'a fait penser à autre chose. Ça m'a fait penser au Faust dont parlait Michel Drac dans un de ses bouquins, là. Un mec qui, en fait, savait rebondir. Lui, les crises, en fait, il surfait dessus, quoi. À chaque fois qu'il y avait une crise, il trouvait des nouvelles idées. Bah là, les cerveaux ingénieux européens, c'est le moment de vous sortir les doigts du cul, parce que en plein mouvement comme ça, il y a tout un tas de nouvelles idées, dont la ceinture de chasteté, et puis vous pouvez trouver ensuite l'anus électrifié, vous pouvez trouver des trucs comme ça avec vos cerveaux. Ah bah attends, rigole pas, mais j'ai vu ça sur internet et c'est vrai, c'est une première mondiale. C'est une première mondiale. Je ne sais pas quel pays l'a inventé, par contre. C'est un pays occidental. Je ne sais pas si c'est les États-Unis ou quoi. C'est une capote anti-capote. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la femme introduit une espèce de préservatif que les femmes ont d'habitude. Parce que vous savez qu'il y a des préservatifs masculins, la capote, quoi, et des préservatifs féminins. C'est-à-dire qu'une femme peut avoir elle-même son propre modèle. Bon, je vous passe les détails, quoi. Et là, ils ont créé un modèle avec des dents. C'est pas des conneries, hein. C'est cette semaine que je l'ai vu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une capote anti-viol. C'est une capote anti-viol. Donc en fait, la nénette a ça en elle. Si une bande de nègres ou une bande d'Afghans ou de Pakistanais essaye de l'attraper, de la violer, le mec se déchire le gland en passant à l'acte. Voilà. Donc quand je vous dis qu'on passe à une ère féodale et qu'on arrive au niveau micro, mais c'est vraiment au niveau micro, micro, micro, tu vois, c'est, j'exagère pas, cherchez ça sur internet si vous pensez que je suis un mythomane, je m'étonne pas ouais, du tout. Hein. Je confirme, je l'ai vu, hein, c'est très pratique, d'ailleurs une fois que le mec s'est arraché la bite, bah après il y a ses copains qui te massacrent la gueule. Quoi. Ouais voilà, c'est-à-dire que c'est anti-viol, mais en fait après tu te prends des coups de machette et tu finis en 10 morceaux quoi. Donc, ouais non mais genre les nègres, tu vois, ils violent jamais, enfin ils violent mais ils tuent pas, tu vois, c'est pas leur genre, tu vois. C'est des gens, pleins de principes et tout, donc s'ils voient que la nénette, elle s'est installée... Ouais, moi je pense à Guy Georges, tu vois, Guy Georges qui violait les nénettes, le nègre là de l'Île-de-France qui violait les nénettes, les tuait et ensuite buvait une Cronenbourg. Hein. Voilà, il y avait un rituel comme ça. Ah, tout décontracté quand même, enfin tranquille. Le mec. Décontracté, voilà, décontracté. Mais, alors, en tout cas, à la... Ah, j'ai oublié de passer à la rubrique. D'accord, ok. J'ai oublié de passer à la rubrique. Rubrique numéro 3, procès de Moscou. Ah, ça c'est une rubrique, mes amis, il va falloir vous y accoutumer parce que le rythme s'accélère. Robert Ménard sera jugé pour provocation à la haine raciale, sous-entendu. C'est ce que nous apprend la presse française et notamment Le Figaro, dont je cite ici des extraits. Mis en cause pour avoir déclaré qu'il y a trop d'enfants musulmans dans sa ville de Béziers. Enfin, ça c'est eux qui interprètent. Hein. Le maire sera jugé le 8 mars prochain devant le tribunal correctionnel à Paris. On ne sait même pas pourquoi à Paris. Hein. Robert Ménard devra finalement s'expliquer devant la justice. Alors, ça c'est le Figaro, le journal de droite, hein, comme vous, ça s'entend. Hein. Le maire de Béziers, proche du Front National, sera jugé devant le tribunal correctionnel à Paris pour provocation à la haine. Il avait déclaré qu'il y avait trop d'enfants musulmans dans les écoles de sa ville. L'élu a fait l'objet d'un renvoi en procès le 24 novembre par le parquet de Paris, qui avait été saisi par la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. Donc la LICRA, organisation juive, précisons-le, et le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, organisation communiste, hein, le MRAP, a précisé une source judiciaire. Concrètement, le parquet vise deux déclarations du maire. La première sur son compte Twitter, le 1er septembre, au sujet de la rentrée des classes. La preuve, là c'est une citation directe, hein, la preuve la plus éclatante du grand remplacement en cours, il suffit de regarder d'anciennes photos de classe. Donc en fait, il n'y a aucune mention particulière d'origine ou quoi que ce soit. Puis une seconde, le 5 septembre sur LCI, là l'article cite Ménard, dans une classe du centre-ville de chez moi, 91% d'enfants musulmans. Évidemment que c'est un problème, il y a des seuils de tolérance. Je vais prendre quelqu'un là-dessus, une réaction. Allez, Porovitch, réagis là-dessus. Oui, c'est l'antiracisme, la machine, l'antiracisme d'État qui est à l'œuvre. Bah, je remarque que quand Jean-Luc Mélenchon avait fait sa fameuse citation où il expliquait que quand il y avait trop de blancs aux yeux bleus, il ne se sentait pas très bien. Bon, il n'a pas été emmerdé, quoi. Mais là, dans l'autre sens, ça marche moins bien. Bon, je le redis pour ceux qui n'auraient pas compris, mais antiraciste, évidemment, veut dire anti-blanc, hein. C'est-à-dire que si vous êtes raciste avec les Blancs, ça va. Par contre, dans l'autre sens, bon, bah, c'est procès, quoi. Bon, voilà. Frédéric. Il y a aussi le droit de. Astérix, vas-y. Non, je voulais juste rajouter un petit truc là sur Poro. Il y a aussi le droit d'être anti-asiatique, il y a le droit d'être anti-roux, anti-roux, c'est une spécificité du Blanc. C'est-à-dire que anti-roux, c'est même pas anti-roux, t'es subventionné carrément. Frédéric, dans les vies, tu voulais réagir. Oui, bon, moi, Ménard, bon, il est sympathique par moments. Je sais pas comment où est le recensement des musulmans chez les enfants. Par les patronymes, il a dit qu'il oui, par les patronymes. Oui, bah non, mais voilà, je veux dire, ça serait plus sympa, tu vois, si Ménard disait 91% d'enfants bougnoul, tu vois, ou... Ou arabe, ou je ne sais pas, ou algérien. Il faut que tu saches un truc, c'est-à-dire que s'il dit ça, il est démis de ses fonctions instantanément. Et là, ça devient pas marrant, parce qu'en fait, bon, ça fait le truc, et une fois qu'il est hors du game, au revoir, fini, terminé, il peut plus troller, tu vois. Alors que là, tu vois, il est toujours en train de naviguer, et en fait, depuis qu'il est élu en 2014, comme ça fait déjà 2 ans, bah, il troll, et je trouve qu'il troll plutôt bien, tu vois. Il est marrant, Ménard, hein, il me fait sourire régulièrement. Oui, c'est un des... Il y a quand même peu de personnalités publiques qui font rire, qui font sourire en France, quoi, donc voilà, on peut le saluer au moins pour ça, il troll et on s'amuse, quoi. Le truc qui m'interpelle là-dessus, c'est que, parce que revenons sur ses propos, parce que indépendamment de la personne, quoi, c'est vrai que il y en a qui l'appellent le Goebbels de Béziers, je ne sais pas si c'est une insulte ou un compliment, mais il dit des choses du genre, hein, je reprends la phrase, hein, dans une classe du centre-ville de chez moi, 91% d'enfants musulmans. Évidemment que c'est un problème, il y a des seuils de tolérance. Ça, tu vois, c'est ce qu'ils appellent une incitation à la haine. Alors, je ne vais pas revenir sur le débat juridique autour de la haine, ça ne va rien dire en droit positif, en réalité, mais le fait de dire qu'il y a 91% d'enfants musulmans, c'est un problème. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as même pas le droit de le dire, en fait. Donc, bah, c'est-à-dire que tu es censé, je veux dire, tu es censé accepter qu'il y ait 90% de boucac chez toi. C'est normal. Voilà. Quoi. Enfin bon, là, c'est, il porte plainte. On ne sait pas s'il sera relaxé, mais imagine, en fait, il dirait la même chose. Imaginons, on se projette, il dit, voilà, ouais, il y a 100% d'élèves musulmans dans ma commune, c'est un problème. Et là, tu es condamné, etc. La LICRA, organisation juive subversive, tu vois, qui lèche le cul des musulmans, alors que les musulmans les flinguent, les juifs, dans les rues. Quand même le rappeler. Donc, tu dirais 100% d'élèves musulmans, c'est un problème, alors que, mais, je veux dire, même sans être raciste, c'est ça, tu sais très bien que si t'as 100% d'élèves musulmans, tu sais très bien que t'es dans un phénomène littéralement de colonisation intégrale. Là, c'est même pas aux trois quarts, à la moitié, au tiers. Non, là, c'est 100%. Et tu peux même plus t'en plaindre. C'est-à-dire que tu avales la colonisation migratoire, tu avales l'islam, point à la ligne. Terminé. Et si tu bronches, procès, inquisition, amende, et puis pour les moins chanceux, prison. Ce qui est quand même hallucinant. Genre là, moi, je pense qu'on est un degré au-dessus, quoi. Astérix, tu voulais parler. Poro voulait parler aussi. Porovitch, vas-y. Ouais, non, mais c'est ce qu'il faut bien comprendre dans le système qu'on a actuellement, et la propagande qui est propre à ce système, c'est qu'il y a une censure, mais il y a une censure du réel. C'est-à-dire qu'il y a des réalités dont on n'a pas le droit de parler. Et surtout pas de façon péjorative. Alors c'est vrai que quand le type fait un simple constat, il dit « Ouais, là, moi j'ai 91% de mes techs dans une de mes classes », c'est déjà trop, parce qu'il ne faut pas le dire. Il est au grand remplacement, il ne faut pas en parler. Et bon, c'est le système, c'est comme ça. Ils sont en guerre contre la réalité. Moi, sans dire comme Fred qu'il faudrait qu'il utilise les termes bougnoules, il y a un truc quand même que je dois dire sur tous ces personnages là qui sont un petit peu le cul entre deux chaises, quoi, un petit peu dans le système, dans le truc. Bah, il faut franchement qu'ils surfent sur la vague Trump. Il faut qu'ils comprennent que là, ils ont une fenêtre de tir qui va bientôt se refermer parce que le système là est en train de comprendre la puissance d'Internet. Avec Trump, ils ont tout compris sur ce que pouvait faire Internet. Et il faut que ces mecs-là, ils n'en aient plus rien à péter. S'il leur arrive quoi que ce soit, s'ils ne sont plus invités dans les médias, ils passeront sur Internet, ils feront plus de vues sur Internet. Vraiment qu'ils arrêtent d'avoir leur mentalité bourgeoise des années 80, avoir encore un petit peu peur que les médias leur tapent sur les doigts, que... Alors après, il y a la justice, mais la justice, ils peuvent y réchapper, ils peuvent tenir, parce que c'est pas comme si on avait la logique contre nous, comme si on avait le bon sens contre nous. Tout est avec nous, donc on peut exposer les idées sans aucune provocation, clairement, mais il ne pourra le faire que sur Internet, parce que les médias ne le laisseront jamais faire ça. Donc voilà, l'ethno-différentialisme sur Internet, ça se défend sans souci, il aura des centaines de milliers de suiveurs. Regardez Mélenchon, les rouges, ils sont cons, ils sont politiquement, mais par contre, sur le plan de la propagande, ils sont plus intelligents en France. Ils s'emparent de l'Internet, Mélenchon. Ça y est, il n'en a plus rien à taper, il fait 400 000 vues sur Internet, les doigts dans le nez, et c'est bon, quoi. Ouais, enfin bon, en même temps, bon, on sort un peu du sujet, mais la démago Mélenchon et osons causer, là, osons causer. Alors, petite fenêtre, je sais, hors sujet, vous m'en voudrez pas. Avec comment dirais-je l'enfant à barbe là fils de Bourges qui bave machin tout ça c'est très facile parce que ça brode sur un seul thème, les riches nous prennent tout, il faut rectifier le tir et leur prendre leur pognon, tu vois, mais c'est très simple, tu vois. Alors les mecs ils te renvoient, ils te disent bah oui, bah vous les étrangers machin, etc. Attends, franchement, en termes de nuisance directe, entre des putains de maghrébins qui t'envahissent, qui détruisent ton pays culturellement, racialement, criminalité, etc., ce dont on parle, et toute la rhétorique mélenchoniste, enfin, qui te pointe toujours le doigt sur un machin, un pauvre type, un patron, tu sais, le patron, tu sais jamais trop ce que c'est d'ailleurs, combien il touche par mois, ça a quelle gueule, et ça, bon voilà. Bon. On y reviendra, parce que ce sera la campagne présidentielle, on y reviendra sur Mélenchon, mais c'est un fait. Ah oui, on va lui chier. C'est un fait, le mec. Ça marche, mais dans un pays communiste comme la France, ça ne peut que marcher. Parce qu'on parle toujours, c'est marrant, et ça indique quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'idée dans les médias dominants, qui sont des médias clairement au moins socialistes, que le populisme est de droite. Ou que la démagogie est de droite. Alors d'abord, les démagogues, c'est ceux qui gouvernent, premièrement. Les premiers démagogues, c'est ceux qui gouvernent. Deuxièmement, il peut y avoir la démagogie à droite, dans le... peu importe, ça me fait pas peur. Mais il y en a aussi à gauche. Hein. La droite, j'irais plus loin que toi, je dirais que la droite est d'essence anti-démago, puisqu'elle est élitiste, c'est-à-dire qu'elle fait mal à la gueule des gens, puisqu'elle leur renvoie à la gueule leur médiocrité, tout ça. La droite est souvent antidémocratique, parce qu'elle explique qu'il y a 80% de cons et qu'il n'y a pas aucun problème à se faire diriger par les meilleurs, que c'est pour le bien commun. Rubrique numéro 4, rubrique Pravda. J'inaugure, hein, je m'adapte. Et on s'adapte tous ensemble. Alors, Henri de Lesquin, patron de Radio Courtoisie, homme de qualité s'il en est, persécuté par le système pour sa liberté de ton, son insolence intellectuelle et aussi politique, persécuté pour des propos qu'il aurait tenus. Alors là, je vous cite un article de l'AFP. Alors l'AFP, ils aiment ça, hein, ils aiment ça, on le sent sous leur plume. Sanctions en vue. Ça commence comme ça, c'est comme le mauvais élève, quoi. Sanctions en vue. Selon l'AFP, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc le CSA, a ouvert une procédure de sanction contre la station Radio Courtoisie, dirigée par le controversé Henri de Lesquin, pour discrimination et non-maîtrise de l'antenne. Non-maîtrise de l'antenne, j'adore. Les sages, putain, et les mecs, ils se payent pas de mots, hein, ont relevé, je cite, un certain nombre de dérapages dans le libre journal d'Henri de Lesquin, son émission sur la radio, selon une source de l'agence de presse, donc l'AFP, qui n'a pas donné davantage de détails. Le gendarme de l'audiovisuel, j'adore ces formules à la con, là, a été saisi à la suite de propos affirmant qu'il existait, je cite, « des races inférieures et des races supérieures ». Il a ainsi désigné un rapporteur indépendant issu du Conseil d'État pour instruire cette procédure dont les sanctions peuvent aller jusqu'à la suppression de l'émission ou le retrait de la fréquence de Radio Courtoisie. Donc Conseil d'État, il y a Arnaud Clarsson et toute la clique là-dedans, hein, donc c'est bon, on sait très bien qui c'est qui manage le truc. Le CSA avait déjà mis en demeure la radio à deux reprises pour discrimination et non-maîtrise de l'antenne en 2012 et 2013. En effet, il y a 3 ans, le candidat autoproclamé à la présidentielle avait qualifié le mariage d'individus homosexuels d'abject et de contre-nature, sans qu'aucun des invités du plateau n'exprime d'opinion contraire ou nuancée. Donc c'est formidable, moi je savais même pas ça. Quand tu dis que le mariage des PD c'est abject et contre nature, déjà là c'est bon, comment dire, le GPU, la Tcheka arrive, t'es voilà, amende, machin. Qui est d'ailleurs le CSA là, présidé par un certain Olivier Schrammeck. Alors Olivier Schrammeck, on nous dit petit-neveu d'Abraham Schrammeck. Alors je sais pas, hein, s'il y a des... Ah, il y a des... Oh là. Alors, moi, je veux dire un truc là, juste sur technique. C'est que la France a fait tout un scandale au niveau de l'Union Européenne contre la Pologne en disant « Vous essayez de contrôler vos médias ». C'est pas vieux ça, quelques mois. Ils ont dit « Comment vous voulez nommer quelqu'un qui va contrôler les médias en Pologne ? Quelle horreur !» Sauf qu'en France, celui qui nomme le président du CSA, donc l'organisme de censure des médias français, c'est le président de la République, c'est le chef de l'État. Donc les médias français sont soumis à une censure du gouvernement et du président de la République socialiste, et tout se passe bien. Par contre, les mêmes vont chialer quand ça se passe en Pologne. C'est incroyable l'hypocrisie de cette race maudite que sont les socialistes, francs-mac et autres chiasses de gauche. Franchement, c'est hallucinant. À titre personnel, j'apporte ma solidarité à Henri de Lesquin. Courageux Henri de Lesquin qui brave les interdits idéologiques du moment, donc par les tchéquistes de l'idéologie dominante. Quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus ? Bah non, Henri de Lesquin fait honneur à l'aristocratie. C'est le dernier aristo qui exprime le sang bleu à travers ses actes. Moi, je salue son courage parce que dans un pays où il n'y a pas de liberté d'expression, bah, il ose quand même braver les interdits. Et bon, évidemment, il s'attire des problèmes. Je pense qu'il en est parfaitement conscient. Mais il y va quand même. Bon, pour l'honneur, je trouve ça beau. Ouais, il joue pas le bourgeois. Et d'ailleurs, il y a eu une fronde, je crois. Moi, je suis pas versé dans les histoires internes de Radio Courtoisie. mais je crois qu'il y a une fronde et il y a des sacs à merde comme l'autre curé, là, Métèque d'ailleurs, je crois qu'il est à moitié marrane, je sais pas quoi, là, l'autre. Comment il s'appelle, là, Bernard Anthony, là? Espèce de tête à claque, de sous-homme, mais ça c'est physique, quoi. Le mec a pas d'épaule, il a une tronche dégueulasse, tu sais même pas s'il touche pas trois gosses à l'occasion, enfin c'est ignoble. Et qui cavale après Henri de Lesquin pour lui tailler les jarrets, c'est odieux. Alors, je répète, soutien total à Henri de Lesquin. Et malheur, malheur, que Dieu punisse les cafards qui essayent de lui nuire. Et je pense très fort à Bernard Anthony, le traître, que Dieu n'oublie pas. Hein? Mais ce truc, juste 2 secondes, c'est intéressant ce que tu dis, qu'il n'est pas bourgeois, parce que les bourgeois détestent les aristos, puisque les bourgeois, souvent, ce sont d'anciens aristos qui n'ont plus que les droits sans avoir les devoirs. L'aristo, dans sa tête, il a bien la balance entre les devoirs et les droits, quoi. Et les bourgeois, eux, ils ne sont plus que sur le côté profitable du truc. Donc leur place, elle est dangereusement menacée par ceux à qui il reste encore un petit peu d'aristocratie dans le froc, quoi. Exactement, ouais, c'est ça, ces mecs ont la peur des coups. Par contre, c'est en fait, ils négocient en fait leur peur des coups contre le pognon, tu vois. Alors que l'aristocrate, on va dire, l'aristocrate archétypal, je parle pas de l'aristocrate de machin en particulier, parce que la plupart ont capitulé il y avait longtemps, ou ont été massacrés. Au contraire, recherche les coups. Comment dirais-je, c'est pour l'honneur, c'est très différent, n'est-ce pas? Bon, bah, Henri de Lesquin, moi j'apprécie, je trouve que, franchement, hein, honnêtement, là, depuis 1 an, 2 ans, c'est tout à fait appréciable ce qu'il fait dans un système où on étouffe, quoi. On étouffe, on étouffe, Bah, on n'en peut c'est-à-dire plus. que si on pouvait éviter de mettre à la tête du CSA des Olivier Schramek, quoi, ça pourrait aider Ah, des. aussi, hein. Ouais, Ou des des juifs Goldenstein, preneurs. je ne sais pas, hein. Ouais. Ah, bah oui, mais non, mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, pour revenir à Delesquin, les jeunes ne s'y trompent pas, puisque ça c'est moi je suis vraiment plein d'espoir quand je regarde les jeunes, puisque Delesquin a énormément de jeunes qui le suivent, ce qui est vachement intéressant, puisque un Yann Barthès penserait que Delesquin est ultra ringard, sauf qu'il y a beaucoup plus de jeunes, enfin non, peut-être pas beaucoup plus de jeunes, parce qu'il est moins médiatisé, il est moins voilà. Mais si Delesquin avait la chance de Yann Barthès, il y aurait plus de jeunes qui aimeraient Delesquin. Yann Barthès, il fait ricaner les vieux profs de 55 balais, les vieux fonctionnaires sur le retour, il fait ricaner les parasites, Yann Barthès, tandis que Delesquin, il fait vibrer le cœur des jeunes. C'est autre chose. Moi, je pense qu'il lui suffirait juste de changer de tenue vestimentaire, de faire monter en fait, le niveau, voyez, pour être vraiment totalement subversif, voyez. Mais je pense que là, pour le coup, il est bon pour la tôle. Voilà. Mais sinon, il y avait quelques petites innovations, je pense que là, ça ferait très très mal. Tu suggères qu'il devrait s'habiller en Hugo Boss? Qu'est-ce que... Oui, bah, ça c'est voilà, ça c'est bien. Mais il a le style, hein, parce qu'il a la prestance quand même, Henri de Lesquin. Il a la prestance. Pause musicale et on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission qui sera, bon, bah, espérons-le, caustique à l'acide. Hein. Allez, l'acide sur les plaies, ça fait du bien. Par où ça passe? À tout de suite, cher David. Dig high with me, let's build the rise today. If you could use a land free of Jews, there's a great new upright way. Dig high with me, let's build the ethno-state. Dig high with me, let's purge the almost two. In white man's land, we'll make our stand and we'll keep our gooks and spooks. Sieg Heil with me, we'll build the Reich anew. Once the wall goes up there, our homeland's purified. Great again, nice and white. Once the wall goes up there, all the 14 words I'd hear, you may hear moon men cheer, no spicks or niggers. We're Jew eyes, these kikes are clear as day. If left to them dirty sons of Shem, they'd get rid of us today. We're waking up, we've learned the wicked truth. I say, so Sieg Heil with me, let's build that ethno state. Sieg Heil, baby! Hey, Paul. You know Hitler did nothing wrong, right? Once the wall goes up there and our homeland's purified, great again, nice and white. Once the wall goes up there, all the 14 words that hear, you may hear, moon man cheer. No spits or niggers, where'd you wise? These kikes are clear as day. If left to them filthy sons of Shem, they'd get rid of us today. We're waking up, we've learned the wicked truth. I say, to Sieg Heil with me. Let's build that ethno state. Nous revoilà pour la deuxième partie de cette émission de notre première saison, épisode numéro 27, rubrique numéro 5. Ça va plaire à notre ami Frédéric Dans-l'Évier, hein, rubrique réconciliation. Ah bah c'est ma partie préférée, moi, la réconciliation, y a pas de problème. Bah tu mouilles le maillot en plus, alors, je veux dire, t'es pas le mec qui est sur le banc en train de regarder les mecs jouer, là. Toi t'es là, tu bosses. Je j'œuvre tous les jours à la sueur de mon front à la réconciliation. T'es dans le quartier, tu fais jouer les jeunes au foot, ouais, je sais. Voilà, à la salle de sport, tout ça. Ouais, ça lève la fonte, etc. Ouais, bah ouais, mais il faut rendre à César ce qui est à César et au trou du cul ce qu'on leur doit. Alors, Merkel, c'est un préambule, et tu vas comprendre où je veux en venir. Merkel, fière de la réaction pondérée des Allemands suite à l'attentat de Berlin, nous pourrons continuer de vivre ensemble, dit la chancelière donc, qui a succédé à Adolf Hitler, hein, en droite ligne, il faut quand même le rappeler. Je la cite, « L'état de droit a été respecté. J'ai donc confiance que nous pourrons défendre notre mode de vie libre et que nous pourrons continuer de vivre ensemble. C'est pour moi un motif de fierté de constater comment la plupart de mes concitoyens ont réagi de manière réfléchie et pondérée. » Ton commentaire, Fred. On verra, hein, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer, mais il faut quand même faire un petit peu attention, parce que les Allemands ont tendance, par moment, à être un peu soupolet, hein, donc voilà, là, tout de suite, peut-être que la réaction est modérée, je ne sais pas, je ne suis pas en Allemagne, mais voilà, on ne sait jamais comment ça peut évoluer, moi, je dirais méfiance quand même, hein. Bah, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu arrives avec un bus ou un camion, un poids lourd, que tu roules sur des familles à Berlin, à côté d'une église ou d'une cathédrale, effectivement, tu envoies un message. C'est un peu le front de la foi, en fait, si tu veux. C'est un peu l'alliance. Oui, voilà, c'est-à-dire c'est un peu les musulmans allemands, hein, n'est-ce pas ? Enfin, allemands, syriens, afghans, on ne sait pas. Qui envoie un message de réconciliation avec les chrétiens d'Allemagne. Et, on peut se féliciter du résultat. C'est... Message reçu, hein, pour le moins. En plus, il y a deux choses qui vont faire qu'en Allemagne, ça ne pourra pas passer. C'est-à-dire que quand il y aura des attentats comme ça, des faits sanglants qui toucheront 20 personnes, chez eux, il n'y aura pas de relativisme comme il y en a en France. Ah, c'est que 20 personnes, il y en a 200 qui meurent par jour en Libye, machin, machin. Enfin bref, tout le relativisme à la con qu'en France, on va sortir parce qu'on est un peuple d'individualistes qui tireront la couverture à nous. Eux, ils sont collectivistes, mais dans leur trip, quoi. C'est vraiment viscéral. Donc, ils vont se sentir touchés à chaque fois. Et en plus, il y a autre chose chez l'Allemand, c'est qu'il a un goût pour l'ordre, et là, il ne va même pas y avoir besoin d'attentats. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à mon avis, il va y avoir quelques assimilés, parce que l'Allemand est fort au quotidien, l'Allemand ne rigole pas en entreprise, tout ça, il sait faire tourner la baraque, donc il va y avoir, à mon avis, quelques boucaques qui vont s'assimiler, parce que la force va les y obliger. Mais en revanche, il va y avoir des ghettos, et ces ghettos, les Allemands, ils ne pourront pas les accepter, parce qu'une fois de plus, leur goût de l'ordre ne supportera pas ça. C'est des espèces de, je dirais pas des Japonais, parce qu'ils ont... Mais l'Allemand, il a vraiment que ça, en fait. Il a que son goût de l'ordre. Parce que le Japonais, il a d'autres choses. Il a la bouffe, il a plein de traditions, c'est beaucoup plus fin. Mais l'Allemand, lui, il a que l'ordre. Donc si tu le mets dans le désordre, il se sent implosé, il se sent vraiment mal. Donc, comme le disait dans l'évier, faites attention, les Allemands sont sous Paulet, et à mon avis, ils seront les premiers à se rebeller contre cette merde des trois grands peuples. Entre les Alors, Anglais, je ne dirais pas, Allemands, c'est je ne sais Allemands pas si on peut dire les premiers, mais en tout cas, ils seront peut-être même un petit peu retardataires, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que le goût de l'ordre et cette tendance vraiment à... Il y a une tendance au conformisme totalement... Enfin, démesuré chez les Allemands, et le problème, c'est qu'une fois que le conformisme se retourne, c'est-à-dire que le sens de l'histoire change, là, par contre, ça peut devenir extrêmement violent. Hein. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que le sens de l'histoire devient de piler des crânes de bougnoules et de nègres, ça commence à faire très très mal, effectivement. Voilà. Hein. On peut le dire. Bah, c'est pas nous, hein, c'est les Allemands. Ah non, mais on peut le constater, c'est ça que je veux dire, quoi. Donc, avis aux bougnoules de toutes sortes, toutes races, tribus et autres, bon, bah, vous êtes finis, voilà. Ouais, dis-leur pas ça sur les Allemands, sinon ils vont venir chez nous. Ils sont les Allemands 4-5 millions en Allemagne, là. Ah bah, les Français vont les accueillir à bras ouverts, parce que les Français, ils aiment les nègres, hein. Ça, je dois bien le constater, effectivement. Je dois bien le constater. Alors... sur ces entrefaites, sur ces considérations, nous avons la question de Michel Drac. Alors vous allez me dire, mais attends, Michel Drac, mais qui ça, comment, de quoi parle-t-on? Michel Drac, auteur, essayiste, prolifique, hein, qui refait le monde régulièrement dans ses livres, a un point de vue. C'est quelqu'un qui évolue dans la mouvance, bon, de très loin, hein, d'Alain Soral. Mais ce serait faux de le résumer uniquement à ça. C'est quelqu'un qui, en tout cas, prétend comprendre le monde ou essayer de comprendre le monde et de l'expliquer dans ses ouvrages. Et alors lui, il a une interprétation très différente des faits. Et tout de suite, j'ai envie de solliciter Frédéric, parce que Frédéric, lui aussi, a une vision du monde et il a une compréhension du monde. Alors là, commence, Fred, c'est pour toi. Bah, c'est-à-dire que, bon, tu l'as un peu présenté, bon, moi je pense que c'est quand même incomplet, c'est-à-dire que Michel Drac, oui, c'est une sorte d'intellectuel, mais alors vraiment au sens péjoratif, c'est-à-dire que c'est vraiment l'intellectuel verbeux, lourd, qui aime créer du jargon, et, enfin, j'ai pas envie d'être trop méchant, mais pour moi, c'est vraiment ce qui se fait de pire en France, c'est-à-dire c'est le genre de mec... voilà, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est-à-dire, pourquoi expliquer en quelques lignes, en quelques paragraphes, ce qu'on peut étaler sur 400 pages? Et il est vraiment dans ce genre de choses-là. Notamment, il nous avait écrit, alors je me rappelle, hein, ça a fait tout un foin, il avait écrit un livre sur la crise économique ou la crise du sens, en parlant de codage, de surcodage, etc., etc. C'est hein, surcode, il expliquait que voilà, l'économie moderne, financière, etc., faisait face à une crise du sens. Hein. Alors, c'est une façon de le dire. Alors, effectivement, du point de vue européen, on peut penser qu'il s'agit d'une crise du sens. Seulement, En réalité, cette crise a un sens, c'est simplement le sens de l'intérêt tribal juif. Bon, on peut se poser la question de pourquoi Michel Drac ne voit pas ça de façon plus claire, hein, mais on y reviendra plus tard. Ensuite, pour continuer la présentation, c'est quand même quelqu'un qui est, donc je disais qu'il était verbeux, lourd, etc., et ça se retranscrit physiquement, c'est-à-dire c'est quand même quelqu'un de très gros, hein, voire même d'obèse, et donc ça va assez bien, ça va assez de pair avec sa façon de s'exprimer qui est verbeuse et chianteuse. C'est aussi quelqu'un qui est proche des idées survivalistes, hein, donc il a tout un tas de théories sur la création... Oui, la création de bases autonomes durables, etc. Alors, ça se rapproche des thèses survivalistes. Mais bon, concrètement, quand on regarde qui est Michel Drac, c'est quelqu'un dont la conception du survivalisme, c'est en gros d'accumuler des réserves de cassoulet et de choc à pic, hein, qu'il a plus ou moins dévoré. Alors, je ne sais pas combien il lui en reste. J'imagine qu'il continue à faire des réserves. Mais c'est vrai que voilà, c'est une conception du survivalisme, on peut l'aborder de plusieurs façons. Lui, il a choisi son camp. Je crois qu'avec Frédéric Delavier, il a en commun l'envie d'accumuler des calories. Et dans cette discipline-là, on peut lui accorder une certaine expérience, une certaine expertise. Alors, on va le faire écouter à nos auditeurs, c'est-à-dire qu'il s'exprime, il s'est exprimé. Parce qu'il faut trouver un point d'appui, et un des points d'appui récents, c'est l'histoire avec quand Alain Soral a claqué Daniel Conversano, il a trouvé le moyen de parler, de s'exprimer. On va l'écouter tout de suite, et on revient à ce que tu as à en dire. Non, ça marche pas. De taper dans la gueule de quelqu'un pour faire une vidéo, ça marche pas. Cela dit, bien que je désapprouve totalement la méthode de Soral, je suis complètement avec lui sur le fond. C'est-à-dire que quand on parle de ces sujets-là, on peut tout dire. Hein. Mais il faut le dire en faisant attention. Moi, ça m'est arrivé, quand j'étais plus jeune, de me faire piéger comme ça. De parler de ces questions-là sans prendre toutes les précautions nécessaires et de m'apercevoir à un moment qu'il y a des gens qui allaient en profiter pour me piéger en essayant de faire croire que j'avais poussé à des choses que je redoutais, c'est-à-dire que qui essayaient de faire croire, de confondre une analyse avec un souhait, si vous voulez. Il faut faire très attention. Quand on rentre sur ce terrain-là, il faut faire vachement gaffe. Et clairement, les mecs qui évoquent ces questions-là ne se rendent pas toujours compte et font pas assez gaffe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut quand même les mecs qu'ils reconnectent, quoi. Je veux dire, dans un contexte comme ça, on fait attention, on pèse ses mots. Alors Fred, ce qu'il vient d'en dire là, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je note qu'il a quand même parlé, il s'emporte quand même un petit peu, c'est quand même très conspirationniste. Bon, il encourage Conversano à faire très attention à la façon dont il s'exprime, le choix des mots, etc., etc. Et il va même jusqu'à parler d'éventuels assassinats organisés par des barbouzes, hein, où on laisserait une Kalachnikov près de son corps refroidi, aux alentours d'une mosquée dans laquelle on aurait canardé des musulmans. Déjà, il va quand même assez loin. Il prétend que Conversano appelle donc avec ses mots, avec sa façon de s'exprimer, à laquelle il ne fait pas attention, qu'il appellerait à la guerre civile. Bon, or, ça, de toute façon, c'est faux. Conversano, s'il appelle à quelque chose, c'est à l'autodéfense, c'est-à-dire... au fait que les Français de souche, les Européens de souche, soient capables de se défendre en s'armant dans le cadre légal, en étant capables de répondre à d'éventuelles agressions, etc. Et de toute façon, du point de vue de Conversano, et je pense que ça se défend, la guerre civile, entre guillemets, a déjà commencé depuis longtemps, c'est-à-dire que les Français de souche subissent des attaques, des vols, des viols, des déprédations, etc. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Depuis 45 ans, effectivement. Oui, oui, depuis des décennies. Hein. Et qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui continue à permettre ce genre de choses, enfin, tous ces, voilà, toutes ces attaques, etc., etc. C'est bien la culture de l'excuse qui, à la base, nous vient du gauchisme. Et je pense qu'avec Michel Braque, finalement, on s'éloigne pas vraiment, puisqu'on reste dans une sorte de marxisme un petit peu crasse. C'est la culture de l'excuse qui voudrait que les gens qui sont les perpétrateurs de ces vols, viols, etc., etc., sont totalement manipulés. C'est-à-dire que silicionistes, quoi, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui sont capables d'être responsables de leurs propres actes. C'est-à-dire que pour la gauche des années 80, voilà, le problème avec les populations immigrées en France, c'était le racisme. Donc, il y avait SOS racisme. Alors, c'était les méchants français racistes qui créaient des réactions chez les bougnous, les boucaques, les nègres de France. Et maintenant, on est passé dans le discours soralien, qui est de dire, maintenant, c'est plus les racistes, c'est les sionistes, quoi. C'est-à-dire qu'on en vient à se demander, parce que ces gens, bon, Drake, entre autres, s'offusquent du racisme un petit peu trop affiché, un petit peu trop franc, un petit peu trop brutal d'un conversano. Mais en réalité, enfin, quand on a un discours qui consiste à dire que les Arabes, les Noirs, etc., toute la bougnoulerie de France est incapable d'être responsable de ses propres actes, moi j'ai envie de demander qui est le plus raciste des deux, hein. C'est-à-dire que il faut vraiment prendre les gens pour des sous-hommes finis, mais vraiment finis, pour prétendre qu'ils n'ont aucune espèce de responsabilité quand ils commettent des viols, des agressions, voilà, etc. C'est-à-dire, en fait, ces gens sont en train de nous expliquer, et c'est ça, et c'est-à-dire tout le non-dit de ce qu'ils racontent. Là, je mets Soral et Michel Branque, parce que, excuse-moi, moi je l'appelle Michel Branque, dans le même lot. C'est qu'en fait, ces gens t'expliquent que de toute façon, tu ne t'appartiens pas, tes actes ne t'appartiennent pas, tu es toujours manipulé. Surtout si t'es un crouille, un bougnoul, un nègre ou un connard d'extrême droite identitaire. Toi. En gros, tu vois, à chaque fois que tu fais un truc, ah, t'es quand même manipulé, tu vois. C'est marrant, tu vois. Les mecs disent, la nature humaine, ça n'existe pas, tu vois. T'as pas de liberté de conscience, t'as pas de liberté de choix, etc. T'es toujours manipulé à un degré ou à un autre, quoi, tu vois. Bah, donc, c'est-à-dire que... Tu ne dois pas, et donc, il t'exonère de ta responsabilité individuelle. Bah, c'est-à-dire que les racialistes, comme nous pouvons l'être, en fait, sont quand même, c'est triste à dire, mais sont plus généreux avec les métèques que ces gens qui se prétendent de gauche, qui sont affiliés au marxisme plus ou moins, et qui en réalité leur enlèvent toute volonté propre, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. Surtout, alors moi, je veux revenir là-dessus. Plusieurs choses, attends. Pas de problème, Astérix, tu pourras t'exprimer. Mais je voulais simplement revenir sur ce que Michel Drake avait à nous dire de lui-même. C'est-à-dire qu'il a reproché à Conversano, dans sa vidéo, de faire appel à certains mots, d'utiliser un certain langage. Et on sentait qu'il était là, il se faisait prudent. Il ne faut pas utiliser certains termes, etc. Et curieusement, dans une autre vidéo, il nous explique pourquoi il n'aime pas qu'on utilise certains mots. Et là, on va l'écouter tout de suite. Alors, moi, ça me perturbe quand même un petit peu, à titre personnel, si vous voulez. Alors, je ne vais pas vous la jouer à la Frédéric Aziza, hein, mais Aziza et moi, on a un point commun. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai, lui, je ne sais pas, mais moi, je l'ai. Il y a des gens dans ma famille qui sont morts à cause de ce que Feder avait dit. Ouais, bel et bien des gens, en 1942, ils ont été raflés et ils ne sont pas revenus. Je ne sais pas comment ils sont morts. Et je ne sais pas si on les a mis dans une chambre à gaz ou si on les a fait mourir tout simplement en leur passant en boucle la Veuve Joyeuse. J'en sais rien, je ne sais pas comment ça s'est fait. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont été raflés, ils ne sont pas revenus. Et quelque part, il y a bel et bien une chaîne de causalité entre le discours de Feder en 1920 et ce qui se passe en 1942 à Paris. Bon. Alors évidemment, c'est une chaîne de causalité qui passe par un certain nombre de médiations que Feder ne pouvait pas prévoir en 1920. Mais la chaîne de causalité existe quand même. Et nous, à la différence de Feder, on a l'expérience, on sait ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on sait que quand on tient le discours de Feder, si on ne fait pas attention avec qui on s'associe, de quelle façon on tourne les propos, après, ça ne va pas forcément être interprété par des gens qui seront comme nous dans la réflexion au vu de l'intérêt général. Ça peut être interprété par des gens beaucoup plus brutaux, beaucoup plus terre-à-terre, ça peut être récupéré. Bref, à la limite, on peut pardonner à Gottfried Feder en disant bah, « il ne pouvait pas prévoir », parce que c'est vrai qu'il ne pouvait pas prévoir. C'est vrai, si on se remet dans l'ambiance de l'époque et dans le contexte où il était, bon. Mais nous, on peut savoir, on peut s'en souvenir. Donc, cette responsabilité, on la porte doublement. Il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Voilà, donc, Fred... Et je reviendrai à toi, vers toi, Astérix. Ça, j'ai beaucoup de choses. On voit que notre ami Michel Branque, en réalité, n'aime pas trop qu'on parle ou qu'on utilise certains termes, parce que dans la famille, c'est pas toujours bien passé, quoi. Asté, tu voulais réagir ? Non, pas sur ça. Vas-y, réagis sur là-dessus. Bah écoute, par rapport à ça, moi, je trouve ça assez, assez cocasse, puisque... Quand il raconte, voilà, il explique sa théorie d'une sorte de barbousage de Conversano qui serait instrumentalisé, etc. Moi, j'y vois une tentative d'intimidation à demi-mot. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, t'es gentil, petit blanc identitaire, mais ferme ta gueule, sinon il va se passer des trucs. Et ben là, on voit la. Enfin, Drac nous explique clairement d'où il parle, c'est-à-dire que c'est un sale youtre, c'est un sale juif de merde, qui ne peut pas, qui est incapable, c'est au fond de son être. Tu ne changeras jamais. De distancer de ses histoires de famille, voilà, qui serait mort, je ne sais où, à Auschwitz ou ailleurs, n'est-ce pas ? Il sait même pas d'ailleurs. Il sait pas, mais il y a des gens qui sont pas revenus, alors voilà. C'est-à-dire que là, et c'est absolument obscène. C'est-à-dire qu'on est, c'est quelqu'un qui s'est allié à Alain Soral, hein, Alain Soral qui parle en permanence du lobby sioniste, de la domination juive de la France. c'est magnifique. Et ce mec-là, donc qui s'est associé à Alain Soral, s'est rapproché et qui défend, dans le cas d'espèce, qui défend Alain Soral vis-à-vis de la posture identitaire. Est en train de nous jouer son violon yiddish pour nous expliquer que, attention, si on va trop loin, quand même, voilà. Donc, en même temps, on nous explique que la France est sous domination juive, enfin, sous domination du lobby juif, etc., etc. Michel Drac est tout à fait au courant, puisqu'il s'intéresse à l'économie, qu'il en a parlé abondamment, de façon très, effectivement, verbeuse et chianteuse. Il est tout à fait au courant de la façon dont fonctionne Wall Street, de la façon dont fonctionne l'économie, financière, spéculative, etc. Et le mec nous ressort son putain de violon juif de merde. Mais putain, on n'en a rien à branler, Drac, que tes grands-parents, que tes oncles, que tes tantes soient morts à Auschwitz. Mais c'est juste insupportable. C'est-à-dire que le mec a conscience de ce qui se passe au niveau du lobby juif, etc., etc., et il va quand même nous faire la sérénade en mode liste de Schindler, quoi. Mais pourquoi ? C'est ça la question. C'est pourquoi ? C'est au moment où Conversano dit qu'il y en a marre des bougnoules, des nègres, etc. Et c'est là qu'il sort. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui est fabuleux. Et moi, je veux y revenir. C'est que le mec, Drac ou Branque, il a beau nous faire des bouquins en mode voilà. Je maîtrise, etc. J'ai un recul, j'ai un regard objectif, j'ai une analyse. Non ! Il est complètement maîtrisé, il est complètement dominé par ses atavismes. Complètement dominé par ses atavismes. Et son atavisme à lui, c'est un atavisme familial, ou je sais pas quoi, qui fait que, voilà, non, Conversano, tu vas pas utiliser ce mot-là, parce que, voilà, les Arabes, machin, truc, je ne sais quoi, ça va se finir en camp de concentration. Putain, Drac. Tu ne changeras jamais, Drac. Tu es drivé par ta putain de génétique. Tu ne peux pas moduler. Tu le sais. tu nous fais des romans à rallonge sur ce que tu penses, on s'en fout. C'est qu'au final, tu défends ta tribu. Point à la ligne. Donc arrête de nous faire tes sermons à rallonge sur je ne sais quoi, l'économie, machin. Tu défends ton groupe. Ok, d'accord, mais assume. Et arrête avec tes sermons à la con en suçant l'habitat Soral qui est un putain d'antisémite assumé, tu vois. Mais alors, qu'est-ce que tu nous fais alors? Et en tout cas, il y a plusieurs trucs qui foirent dans la rhétorique. Bon, moi, je vais élargir au-delà de Michel Drake, parce que Michel Drake, bon, je suis un peu d'accord avec dans l'évier, il encule des mouches. Alors, moi, je trouve qu'il dit quand même des choses intéressantes, mais il pourrait les dire en 3 pages, en fait, et il les dit en un bouquin, donc c'est beaucoup de jargonnage. Moi, ça me fait un peu chier. Et puis alors quand il parle, c'est encore pire parce qu'avec ses poses et tout d'intellectuel. C'est... Et ouais, ça, et sa gueule de taupe à double menton, mais putain, mais à un moment, eh, hey, non mais Drake, arrête, non il mais. Il ressemble à Jean-Pierre Coff. Le survivalisme, pour lui, c'est juste de s'enfiler des paquets de chips, quoi, les gars. Non mais à un moment, il faut être sérieux. Mais bon, moi, je vais répondre quand même à leurs quelques arguments qui peuvent sembler valables enfin. Je pense qu'il ne semble pas valable à beaucoup de gens, mais malgré tout, il y a beaucoup de gens qui continuent à sortir ces conneries. Donc à chaque fois, c'est le Kosovo. C'est-à-dire, ils disent, vous amenez... Déjà, ils font comme si le politiquement incorrect amenait à l'action violente. Alors que moi, je pars du principe inverse. C'est-à-dire que moi, je pense que le politiquement incorrect est nécessaire pour garder un esprit sain et garder une certaine clairvoyance et lucidité sur le monde. C'est le politiquement correct qui met le couvercle sur une marmite. C'est exactement ça, c'est le politiquement correct. Espèce de mec qui frappe dans le... Conversano, lui, parle de défensive. Donc là, il ne s'agit pas de frapper des innocents. Il s'agit en fait de se défendre quand des gens nous attaquent, ce qui est la moindre des choses, quoi. Donc là, il y a un vrai problème. Et ensuite, ils disent, avec votre discours, vous allez être manipulé, on va s'emparer de votre discours pour faire monter les tensions et on va faire aboutir le Kosovo. Mais là, c'est vraiment mépriser le pouvoir de manipulation de ces enculés. C'est-à-dire que le Kosovo français, il est déjà en marche, leur pouvoir de manipulation est énorme. La seule chose, c'est que pour l'instant, les Blancs se font juste... prendre leur territoire sans rien dire, c'est tout. Mais le Kosovo est déjà en marche. Ensuite, la comparaison avec le Kosovo, elle est très foireuse, parce que la Serbie était un pays avec une forte identité, était un pays qui tournait, enfin bon, avec ses défauts, tout ça, mais c'était un peuple, pour ceux qui connaissent un peu les Serbes, c'est pas n'importe quoi, ça ressemble absolument pas à la France actuelle. C'est-à-dire que ces vieux cons là, de canapé, donc moi j'aurais pas dit ça il y a quelques années, mais c'est vrai que ça aura les Drakes aujourd'hui, moi il me semble quand même être des vieux cons quand ils nous sortent leur baratin de politiquement correct et tout ça. Parce qu'en réalité, ils ne se rendent pas compte que nous, on a tout paumé, c'est-à-dire que notre territoire n'est déjà plus un pays qu'on a envie de défendre. Donc en fait, les choses qu'on dit, on les dit pour ne pas devenir fou, on les dit parce que c'est le quotidien et il n'y a pas de négociation possible. On les dira jusqu'à ce qu'on nous crève pour les dire, il faudra qu'ils passent la vitesse au-dessus s'ils veulent nous faire taire. Parce qu'il est hors de question qu'on nie le réel, qu'on nie le quotidien, qu'on ne mette pas les mots qu'on a envie de mettre, on s'en fout, ça, c'est du baratin de pharisien, c'est exactement ce que faisaient les pharisiens, c'est-à-dire dès que tu disais un truc mauvais, en gros, ils te clouaient au poteau, ils te crucifiaient. Et en revanche, ils ne jugeaient jamais les actions. C'est les actions qu'on considère. Conversano, quand il parle d'action, parle de guerre défensive, parle donc de défense, donc de frapper non pas des innocents, non pas de prendre un petit bougnoul innocent qui se trimballe, mais de prendre quelqu'un qui est judiciairement condamnable et que la justice ne condamne pas, comme il y en a des millions en France. Donc il y en a ras le cul. Je veux revenir sur l'histoire du politiquement correct et du politiquement incorrect, c'est bien. Enfin, au final, parce que c'est une question qui mérite d'être posée, qui veut réellement la guerre civile et qui contribue objectivement à ce qu'elle soit inévitable? Est-ce que c'est un mec comme Conversano ou d'autres? En fait, est-ce que ce sont les racistes qui expriment simplement le réel, qui disent tout simplement ce qu'ils voient, ce qu'ils sentent, etc.? Ou est-ce que ce sont les gens qui, au contraire, essayent effectivement de mettre un couvercle sur la marmite, de faire durer au maximum avec des espoirs complètement éthérés de réconciliation à la con, de front de la foi, etc. Moi, je pense que, enfin, ça me paraît évident qu'en réalité, les architectes objectifs de la guerre civile, c'est absolument pas les racialistes ou les identitaires ou je ne sais quoi. Ce sont les gens qui empêchent de décrire la réalité. Et ça, c'est la gauche antiraciste depuis des années. Et aujourd'hui, ce sont des gens comme Soral, comme Drac et compagnie. Et Drac perçoit bien que quand on arrive sur le terrain du racisme, et de toute façon, on en revient à Céline, qu'au final, la seule chose qui fait peur aux Juifs, c'est le racisme, il n'y a rien d'autre. Et quand on arrive en définitive sur le terrain du racisme, alors là, Drac, tout de suite, voilà, il faut qu'il réagisse, il faut qu'il se défende, il sent que sa tribu est menacée, que peut-être ça va, voilà, ça va finir en camp de concentration, etc., etc. Et au final, effectivement, il défend son intérêt tribal. Mais objectivement, les gens qui mettent en place et qui rendent inévitable la guerre civile, ce sont ceux qui empêchent les gens de s'exprimer. Et Drac, maintenant, fait partie de ce camp-là. Il est là, comment on dit en anglais, en gatekeeper, en gardien d'une porte. Hein, voilà. C'est-à-dire que là, il y a une porte, il ne faut pas aller plus loin. Que vous exprimiez la réalité ou non, on s'en fout, parce que voilà, ça ne se fait pas, ça n'est pas poli, etc., etc. Donc concrètement, ce sont ces gens-là qui rendent la guerre civile inévitable, qui rendent l'expression du réel impossible et la possibilité de trouver une solution plus apaisée, parce que de toute façon, ça ne pourra pas être totalement apaisé, c'est évident, mais qui rendent impossible le fait, la confrontation dans des termes honnêtes, francs et directs. Et qui permettrait d'éviter, parce que plus on attend, c'est pas compliqué, c'est de toute façon c'est une bombe à retardement, et plus on attend et plus on fait gonfler l'enjeu et plus on fait gonfler le nombre d'immigrés en France, plus le résultat va être dégueulasse et sanglant, c'est une évidence. Donc Drac, maintenant, il faut qu'il ferme sa gueule de gros juif dégueulasse de merde et qu'il aille prendre sa putain de carte à la Lycra, tu vois, c'est tout, il y a rien d'autre à faire. T'as envoyé du bois là. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que de toute façon, la posture que défend toute cette clique, c'est une posture de victime, une posture défensive, et qu'on n'a même pas le droit d'être sur la défense. C'est-à-dire que, comme tu l'as souligné, Conversano ne dit pas on va aller s'aventurer quelque part en Centrafrique pour aller persécuter des gens. Il dit « J'ai envie de vivre dans mon pays, selon mes mœurs, et comme je l'entends. » Et cette attitude est considérée par ce fils de pute d'Alain Soral, donc je répète sur ceux qui ne l'auraient pas entendu, ce fils de pute d'Alain Soral, merci, et cette espèce de gros sac à chiasse de braque de merde qui fait du beurre sur des gogoles en leur vendant ses bouquins à la con, en leur disant « Voilà les gars, vous n'êtes pas légitimes à vous défendre. » T'es pas légitime à défendre ton carré de terre, t'es pas légitime. Ah bon, c'est nouveau ça. C'est-à-dire qu'on subit un torrent migratoire qui est voulu par ceux qui dominent. Et qui est excusé par la clique à Drac et tous les autres, hein, attention. Non mais ils ont tout un système d'excuses, de légitimation de l'immigration. T'as Merkel qui t'explique, oui, l'immigration, machin truc, l'immigration. Tu vas à l'ONU, oui, l'immigration, les médias qui te martèlent. Et puis toi, quand tu dis, non, mais moi j'en ai marre. Au titre personnel, j'en ai marre, je veux que ça s'arrête. T'as des mecs comme Drac qui disent, ah oui, mais attention, si vous résistez, là, c'est un complot. C'est un complot si vous commencez à devenir... Bon, combien de temps on va subir cette rhétorique là? Non mais attendez, le truc c'est que je trouve que vous allez pas à l'essentiel, si vous voulez. Le problème de ces gars-là et qui reprennent en fait le baratin qui est répété depuis 40 ans, à savoir que les gens qui sont contre l'immigration et tout ça, les identitaires, frapperaient des innocents, alors qu'il y a parmi la population immigrée des centaines de milliers de racketteurs, des dizaines de milliers de violeurs, des gens impunis par la loi, qu'on voit traîner, tout le monde les connaît, tout le monde, dans chaque village, il y en a des cassos qui terrorisent la ville, qui terrorisent le centre-ville, qui terrorisent les mecs sur la gare routière, dans les abribus. Et les gens imaginent les Européens assez cons pour aller s'attaquer à des innocents. C'est vraiment prendre les Européens pour des cinglés, c'est de l'espèce de racisme à l'envers, c'est-à-dire qu'ils nous prennent vraiment pour des demeurés. Ces gens-là, c'est-à-dire qu'on est dans une guerre contre la montre. Comme l'a très bien dit Frédéric dans l'évier, de toute façon, on est dans une guerre. La guerre est inévitable, la confrontation va avoir lieu. Ces mecs-là prétendent que si tu acceptes de te faire éclater l'anus, si tu acceptes de voir ta sœur se faire violer pendant encore 20 ans, ça va aller, on va faire du management. Non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu pousses trop, il y a une réaction. Et les mecs sont en train et vendent l'idée que c'est à nous de prendre sur nous. Mais bande d'enculés, on n'a rien à prendre sur nous. On a déjà cédé 100 fois trop de ce qu'on aurait jamais dû céder. C'est de notre faute. On a été beaucoup trop coulants, et en tout cas, nos parents étaient beaucoup trop coulants. Donc en fait, le problème, c'est pas qu'on soit trop agressif, c'est qu'on soit trop laxiste. Et toute la racaille qui nous a envahis, ça fait belle lurette qu'elle aurait dû être matée, arme à la main, en réalité, par le gouvernement ou même par la population. Et elle l'a pas été. Donc quand t'as des gens comme ça qui viennent t'expliquer que c'est de ta faute, qui viennent encore en plus te culpabiliser, avec tout ce qu'on se tape d'organisations antiracistes, de lobbies de toute nature, de propagande étatique, etc., les mecs viennent encore te dire que non, il faut que tu prennes sur toi, putain, c'est juste odieux, quoi. C'est juste odieux. Et le pire, c'est que les mecs, quand ils font ça, ils prennent un chèque. Parce que c'est pas du bénévolat ce qu'ils font. Ils le font pour prendre un chèque. Soral, il fait son chèque là-dessus. Dieudonné, il fait son chèque là-dessus. Branque, il fait son chèque là-dessus. Donc maintenant, il y en a plein de cul. Maintenant, les Blancs, ils vont se réveiller. Ils vont donner des coups de pied dans le cul. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais il y a des coups de pied dans le cul qui vont être distribués. J'en suis convaincu. Et ces gens-là qui ont essayé de légitimer l'insoutenable, eh ben, je leur recommande fortement de fréquenter plus assidûment l'église. Après, leur argument numéro 2, tu sais, leur espèce d'argument massu, enfin, en tout cas, qui croit massu, c'est il faut que ce soit politique. C'est-à-dire, en gros, tant que vous n'êtes pas emparé du pouvoir politique, ça sera manipulé par les médias, par le politique, et ça sera manipulé contre vous. C'est complètement dérisoire de dire ça, parce qu'en fait, il s'agirait de pas mépriser le pouvoir de manipulation. Ils n'ont pas besoin de la réalité pour manipuler. En fait, ils peuvent créer des choses ex nihilo. Ils peuvent créer vraiment une scène de théâtre. Donc, s'ils ont besoin de manipuler, là aujourd'hui, ils ont déjà tout pour manipuler. Ils ont déjà tout pour faire qu'un petit mec blanc suicidaire sous captalgon se fasse sauter avec une croix gammée tatouée sur le torse, quoi. Ils peuvent déjà le faire. Ils n'ont pas besoin des gens qui sont dans la réalité et qui eux. Vont pas tomber dans tous ces panneaux à la con, vont prendre les gens qui, je vous dis, terrorisent les villes et villages françaises qu'on connaît. Mais ça n'existe juste pas. C'est ça le problème qu'ils ont. C'est qu'en fait, ils aimeraient tellement justement le scénario skinhead, etc. Les médias le disent, etc. Mais le problème qu'ils ont est justement, c'est-à-dire qu'en fait, leur système a trop bien fonctionné. C'est que les Blancs sont complètement désarmés, ils sont complètement châtrés, ils sont complètement terrorisés. Psychologiquement, leur système a tellement bien fonctionné qu'ils ne réagissent plus et que les mecs sont désespérés à trouver des skinheads pour aller cartonner des mecs. Et le meilleur skinhead qu'ils arrivent à trouver, c'est Conversano avec ses cheveux, quoi. Voilà, c'est ça. Le mec, et en plus, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit des trucs, tu vois. Il a dit des trucs. Donc, c'est une imbécilité. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un gros problème, c'est-à-dire qu'ils aimeraient tellement qu'il y ait un radicalisme blanc complètement, irrationnel, pas politique, apolitique, qui soit épidermique, qu'ils pourraient ensuite traiter médiatiquement pour leur but. Ils n'y arrivent pas, il n'y a rien. Ils ont fait tellement bien le boulot, ils ont tellement stérilisé tout le monde qu'il n'y a plus rien. Mais je te dis, de toute façon, ils peuvent le faire s'ils veulent déjà. Ils peuvent trouver un blanc, le droguer, ils peuvent contrôler. Tu comprends, il faut qu'il y ait. Il n'y a aucun problème pour créer des scènes de théâtre, ils le font sans arrêt. Il ne faut pas oublier un truc. Moi, je veux couper un truc. Aux États-Unis, ils sont tous contre Trump. Tout le système médiatique, associatif, etc. Ils cherchent désespérément des blancs qui feront n'importe quoi. Ils n'en trouvent pas. Le dernier truc qu'ils ont fait, ils ont tagué une église noire, genre voter Trump, etc., avec des trucs plus ou moins nazis. Et c'était un nègre. C'est-à-dire que même eux n'en trouvent pas. T'imagines, aux États-Unis, dans ce pays de 300 millions d'habitants, ils ne trouvent pas de type blanc. Imagine, je ne sais pas si vous imaginez. Ils en sont à embaucher des nègres pour taguer des swastikas, quoi. Ça n'existe. Non, mais ça n'existe. Je ne sais pas si vous imaginez. Et en fait, il n'y a pas de quoi se flatter. C'est-à-dire qu'en vraiment, on constate que les blancs ne veulent plus se défendre. Le système a super bien marché. Voilà, les blancs en Occident ne veulent plus se défendre. Ils veulent plus défendre leur famille. Ils s'affaissent. Ils abandonnent. Et quand le système... Enfin, et par contre, ils peuvent voter, quoi. Alors, du coup, ils votent mal, le système s'affole, ils disent, putain, on a besoin d'un tondu, là. Le mec, il faut qu'il crame une église, qu'il canarde un nègre, enfin, un truc, quoi, tu vois. Et puis, il n'y en a pas. Pourquoi ? Bah, les mecs sont chez eux, voilà, ils sont sur Internet, ils regardent ce qui se passe. C'est hallucinant, mais c'est la réalité. Voilà. Et bon, faut pas oublier un truc, hein, dans cette histoire, c'est que, bon, c'est l'intérêt bassement économique, c'est-à-dire que Drake... Au fond, c'est un intellectuel de merde. Enfin, intellectuel, c'est un bien grand mot. Intellectuel, t'es gentil. Oui, voilà, qui vend... c'est une taupe à lunettes, hein, obèse, une taupe obèse à lunettes, qui vend des bouquins sur caca et autres, voilà, ses éditions à la con. Et c'est tout simplement aussi... Enfin, il y a une part d'intérêt économique, clairement, où il a juste envie que... Enfin, c'est-à-dire, si le discours identitaire prend... je pense qu'il y aura quand même beaucoup moins de monde pour acheter et lire son baratin sur le codage et le surcodage et la crise du sens. Donc effectivement, il a juste envie aussi de protéger ses boîtes de cassoulet et de chocapic, tout simplement. Donc Drac, hein, prends ta carte à la Lycra, demande l'asile en Israël, je sais pas, mais casse-toi, quoi. Lâche-nous les couilles avec ta merde indigeste. Ça n'a plus de pertinence, c'est plus intéressant, tu peux aller te cacher, ça sert plus à rien, mange tes paquets de chips et fous-nous la paix, quoi. Moi, je propose un compromis, c'est-à-dire que Soral va prendre sa carte Home Rap et il part en Palestine, et Drake prend sa carte à la Lycra et lui, il va en Israël. Ouais, c'est une bonne solution. Ils arriveront peut-être à acter la paix, comme ça. Voilà, ça, et ensuite ils font la paix entre les trucs, ce qui n'arrivera jamais, quoi. Non, mais c'est bon. Ils créeront le seul vrai front de la foi qui contre fonctionne. C'est le front de la foi islam radical et juif, quoi. Là, effectivement, il y a un front de la foi pour enculer les blancs, effectivement. Mais ça marche moyennement, cette histoire, parce que c'est compliqué, ça mériterait une émission, mais... Encore que maintenant, je vois l'Église catholique qui nous tire dans le dos. Enfin bon, c'est magique tout ça aussi. Ça mériterait un long développement. Enfin bref, bon, on en a parlé en tout cas de cette... Je pensais qu'il fallait en parler, il fallait vider la poche de pu. Fred dans l'évier l'a fait, Astérix l'a fait, on l'a fait. Oui, puis avec Drac, il y a de la poche, quoi. Il n'y a pas de problème. Non, mais moi, j'irai peut-être pas aussi loin que vous, mais après, les gens s'en doutent, quoi. Après, je ne vais pas perdre mon temps. Non, mais moi, je ne supporte pas quelqu'un qui est profondément guidé par son putain d'intérêt tribal de venir me faire le mec. Moi, j'ai objective. Non. Écoute, ta conclusion, je la trouve hâtive, mais bon, je vais pas. Hâtive en cul. Non. C'est sur les vrais trucs que tu vois les gens, tu vois. Quand le mec, il voit Conversano, je sais pas, on peut penser ce qu'on veut de Conversano, je m'en fous, tu vois. Mais Soral, il sort son baratin, Conversano dit ce qu'il a à dire, il se fait claquer la gueule, t'as l'autre tocard qui arrive, ouais, machin, truc et tout. Parce qu'en fait, d'abord, d'une, je vends mes bouquins avec Soral, et de deux, quelque part, papy, mamie, ils ont été déportés, tu vois. C'est pas bien de parler comme ça des Arabes et machin. Ok, d'accord, bon, à don tact. J'ai bien compris, quoi. Je suis pas trop con. J'arrive à lire dans le marc de café, comme dit l'autre. Passons au dernier sujet, chers amis, avant cette veillée de Noël. Enfin, veillée de Noël, non, cette journée de Noël, c'est l'élection de Miss France. Alors, bon, moi, j'ai suivi de loin. J'ai envie qu'Astérix nous parle de ça, parce que là, il y avait un maximum de métis. Hein. Là, c'était très. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est normal, parce que la France a des dom-toms, il y a la Polynésie, il y a la Guyane, il y a la Martinique, etc. Mais ils ont choisi la Miss Guyane, et alors, il y en a qui ont protesté dans les deux sens, d'ailleurs, parce qu'il y en a qui ont dit. Enfin, au début, il y en a qui. Enfin, au départ, des gens se seraient plaints. De l'ascendance africaine de la Miss Guyane, et puis maintenant, et ça c'est frais de cette semaine, des gens se plaindraient du fait qu'elle ait été blanchie. Alors on sait même plus à quel sens vouer, Astérix. Bah moi déjà j'ai repéré que la plus noire d'entre toutes celles qui nous ont proposé, bon, d'entre toutes les noires qui nous ont proposé, puisqu'ils nous ont proposé quasiment que des noires, hein. il y avait trois blondes, deux brunes et 6-7 africaines, quoi. Enfin, noires, la plupart. Négresse, je crois qu'on peut le dire. Négresse. Voilà, il y en avait une qui était vraiment, vraiment noire, et elle s'est plantée, elle est tombée, donc, bah oui, elle était pieds nus, elle dansait autour du feu il y a encore une semaine de ça, ils l'ont ramenée pour Miss France, ils lui ont mis des talons de 10 cm, elle s'est plantée, quoi. Non, bah c'est assez hallucinant qu'ils osent proposer ça, quoi. Ça va de plus en plus loin. Je pense que vraiment la France à ce niveau-là, moi je la compare aux autres pays européens, quoi. Je sais pas s'ils oseraient faire ça. Est-ce qu'on peut rappeler que les négresses, c'est objectivement moche, quoi. C'est dégueulasse. Ouais. Est-ce qu'on peut le dire? Ouais, c'est laid, c'est moche. C'est-à-dire qu'elles ont. D'abord, quand tu regardes tous les nénettes qui te mettent en avant chez les colorés, c'est toujours des métisses. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre. J'ai vu des trucs là encore récemment, et je te jure, ça te. Putain, faut pas le voir. Faut pas le voir dans un avion, ça, pendant que tu prends ton plateau repas. Hein, c'est un truc. Oh la vache, tu refais de la décoration. C'est garanti, quoi. Les yeux, c'est pas des yeux, c'est des. Je sais pas, c'est des boules de bowling. Enfin, c'est affreux. Donc, c'est des métis. C'est-à-dire que les négresses qui te présentent. Même aux États-Unis, tu vois. C'est-à-dire, oh, regardez-moi la Miss Noire, machin. Non, c'est une métisse, elle est mélangée avec du blanc, tu vois, pour affiner les traits. Premier truc. Et même au niveau de, tu vois, de. Là, c'est un peu comme de l'élevage de chiens professionnels, quoi. Je veux dire, ou de cheval. Ouais, ils customisent pour arriver à un résultat à peu près potable, etc. Tu vois. Mais tu peux rien faire avec de la négresse qui débaroule du Cameroun. Tu peux rien branler avec ça. Tu peux rien faire. Mais même, okay, faisons abstraction du racisme, de la, je sais pas quoi. Ok. Objectivement, tu peux rien faire avec ça. Les traits sont pas fins. Je veux dire, à aucun niveau, si les négresses étaient belles, mais elles feraient un tabac en Asie. Mais baladez-vous en Asie, ceux qui nous écoutent là, baladez-vous en Asie, allez en Malaisie, en Indonésie, allez en Chine, allez au Japon, allez en Corée, regardez les modèles, regardez les mannequins, ce qu'ils considèrent comme étant une chose belle. Il n'y a pas un matraquage, il n'y a pas un complot, il n'y a pas un complot du lobby blanc, je sais pas quoi, machin truc. Non, regardez ce que les masses aiment. Bah oui, ils aiment des mannequins asiatiques, évidemment, et des mannequins blancs européens. De toute façon, en France, qui est-ce qui se tape les négresses? Bon, à part les boucaques, qui se tape les négresses? C'est chez les blancs. Très souvent, bon, il n'y a pas que ça, mais c'est des vieux profs gauchiasses, physiquement complètement dégueulasses, qui en réalité n'ont pas de valeur sur le marché sexuel. Et qui donc vont se choper de la. De toute façon, c'est scientifique, c'est-à-dire qu'il y a des études là-dessus. Les négresses, c'est vraiment. C'est moche. Personne n'en veut. C'est-à-dire que tous les groupes, les Africains sont les premiers à essayer, ouais. à essayer de se distancer des négresses. Il y a des livres. Voilà. Il y a des livres aux États-Unis. Il y a des études là-dessus. Livres qui sont écrits à destination des négresses, des livres genre pseudo-scientifiques, tu vois. Genre, comment retenir ton mec, ton nègre, pour éviter qu'il aille chercher de la blanche, tu vois. T'as des livres là-dessus, quoi. Je veux dire, c'est fou. Des études, des machins, tout ça. Attends, il y a des trucs statistiques. On évalue à peu près à 50% le nombre de nains qui essayent de fuir leur race. Qui essayent de fuir leur race. C'est un aveu des nègres. C'est un aveu des nègres. Je veux dire, c'est pas une théorie nazie. C'est pas une théorie de nationaux-socialistes. C'est pas une théorie de blancs surexcités. Les nègres, les mâles nègres l'avouent d'eux-mêmes. À 50%, ils ne veulent pas d'une négresse. Pourquoi, d'après vous? Parce qu'ils savent très bien. Non, mais parce qu'ils savent très bien que leur putain de race, ça vaut de la chiasse. Donc, ils misent sur un autre tableau. Alors, quand ils sont vraiment gagnants, banco, enfin, gagnants, on s'entend. Parce qu'ils auront un résultat mitigé, évidemment, forcément. Quand ils chopent une blanche, ils coupent en deux, ok, mais il est à moitié foireux, évidemment. Par contre, ouais, voilà, mais il pourrait te dire aussi voilà. La même chose des blanches. Il pourrait te dire que les blanches cherchent à améliorer. Moi, attends. Moi, je bénis le ciel. Je bénis le ciel des blanches qui se métissent avec des négresses parce que ces salopes expulsent du corps génétique européen les gènes de chiasse qui sont attirés par les nègres. Ouais. Donc, je bénis les cieux. Je bénis le Christ. De faire ça tellement bien, c'est-à-dire qu'en fait, il nous rend service, c'est-à-dire que salut, Dark toutes là. Les tarés, ouais, toutes les grosses tarées, toutes les milfs qu'on dit, tu sais, les milfs qui se sont mariés avec frivolité, qu'on divorcé 2 ans plus tard et qui se retrouvent ensuite à la quarantaine, proche de la ménopause, elles commencent à se payer des vacances à Saint-Domingue, machin, c'est vraiment glauque, quoi. Bah ouais, tu vois, c'est bien fait. Et c'est parfait pour les blancs. C'est pour ça, tu vois, je dis ouais, aux camarades qui se disent « Putain, la vache, elle est métissée avec des nègres !» Mais non, les gars, c'est au contraire. C'est-à-dire que c'est... Voyez ça comme une bénédiction du ciel. Voilà, c'est bon. Allez, ça doit être dur quand comme disaient les Russes, comme disent les Russes, tout ce qui tombe de la charrette, c'est foutu. C'est exactement ça. Tout ce qui tombe de la charrette, c'est foutu. Une fois que c'est tombé, vous en êtes libéré. Alors évidemment, il y a un petit pincement, et on se dit, voilà, ça devrait pas... Oui, mais le reste, c'est pour vous. Le reste, c'est pour vous, messieurs. Le meilleur, qui est intéressé dans votre bien-être à vous, de votre groupe. Ah, c'est ça qui est bon. Sinon, pour en revenir à l'élection, moi, je me demande si quand même le niveau a pas été encore pire là depuis que c'est Foucault, parce que avec De Fontenay, il y avait aussi beaucoup de Noirs, beaucoup de Métis, mais je pense que c'était un peu lié à la réalité sociale, c'est-à-dire que le mannequinat, c'est un truc de pauvre, tu vois, il y a beaucoup de pauvres Métis. Donc je pense que De Fontenay, c'était pas idéologisé, c'était vraiment, elle prenait en gros les mannequins qui lui tombaient sous la main, ce qui fait qu'il y avait 3-4 métis qu'on nous proposait à chaque fois, et il y a eu des métis qu'on gagnait, mais ça c'est le vote, après c'est pas la responsabilité de Fontenay. Je me demande s'il n'y a pas eu la patte vicelarde du vieux Foucault qui s'est dit avant de crever, je planterais bien une dernière banderille dans le cul de la France, quoi. Écoute, très honnêtement, moi j'ai regardé les réactions sur internet, sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Bon, je vais le dire comme je le pense, quoi. C'est-à-dire que les Français aiment les nègres. Ils aiment ça. C'est... moi, j'ai... Ouais, je veux dire, tu leur montres une belle femme européenne, brune, blonde, les... Non. Le nègre, le crépu, la peau de chiasse. En même temps, on leur balance de la musique de nègre oui, absolument bah... H24. Hein. Absolument, t'as raison, mais je veux dire, c'est-à-dire qu'on peut pas non plus dire, c'est pour ça en plus, je suis pas du tout complotiste, je rejette non, justement, faisons notre examen de conscience, regardons la réalité du niveau de conscience individuelle qui est le nôtre, c'est-à-dire que, en fait, non, ils aiment ça, c'est-à-dire que plus c'est caca, plus c'est bon, quoi, tu vois. Mais franchement, baladez-vous au niveau mondial, ce qui est considéré comme un critère de beauté, c'est la beauté européenne. Honnêtement, ça peut être une beauté italienne, ça peut être une beauté scandinave, mais c'est ça. Mais c'est ça, mais et c'est pas nous qui décrétons avec je sais pas quelle organisation, etc. Non, c'est les gens aiment ça au niveau mondial, même dans des pays africains, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas positif d'ailleurs pour les populations africaines, je pense qu'il faut qu'ils aiment leur propre beauté, d'ailleurs. Je le précise pour ceux qui douteraient. Mais naturellement, ils aiment les gens avec des traits fins, avec des yeux verts, avec des cheveux fins, etc. Et on est en train, nous, à l'épicentre du monde blanc, de nous bazarder avec des saloperies qui ont des traits de macaque. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une agression, c'est une volonté de détruire. Qui fait ça? Qui fait ça? Qui veut détruire le monde blanc? Mais après... Qui bombarde nos femmes de ces putains de traits simiesques, de macaques à longueur de journée? Moi, je sais pas, mais moi, je pense que c'est peut-être un petit peu des cousins de Michel Drac. Hein. Voilà, enfin, en tout cas, j'en ai plein le cul. Moi, je le dis, voilà. Alors, donc, la France, pour en revenir à ce truc de Miss France, et je vais être honnête, je pense que c'est à l'image de la France. Le concours Miss France avec toutes les métèques qu'il y a, c'est à l'image de la France. Je suis désolé, on peut pas dire non, c'est pas vrai, truc. C'est pas la vraie France traditionnelle, c'est un fait. Mais c'est à l'image de la France moderne, quoi. C'est la négresse de merde métissée au quart avec un putain de connard de postier, tu vois, qui avait rien à trouver, qui a planté sa queue là-dedans parce que, à la limite, le mec savait même pas, il revenait de cuite, tu vois. Bah voilà, c'est ça la France, tu vois. C'est la France de l'île de France, c'est la France de merde. Quoi. Mais je suis pas élu. Sur ces bonnes paroles. Bonne soirée, joyeux Noël. Joyeuse fête de la nativité. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non, ça ira, je pense que... Ah, écoute, non. Passez un bon Noël, tous. Voilà, c'est tout. Voilà, essayez d'éviter les sons, essayez d'éviter la musique nègre au moins pour Noël, quoi, de vous préserver un petit peu les oreilles. Voilà, et évitez les violons juifs de Michel Drac, et tout devrait bien se passer. Je vous recommande, pour le 30 janvier, une petite soirée sympa. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.